Stephen King aime le brouillard, Stephen King aime les supermarchés, Stephen King a écrit Brume et Frank Darabont l'a adapté. À toutes et à tous et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris, comment vas-tu? Ben ça va très bien et toi? Ça va. Très bien, donc on va parler aujourd'hui du troisième film de Frank Darabont adapté de Stephen King, à savoir The Mist, sorti en 2007 de 125 minutes. Et la nouvelle originale c'est Brume, qui est une nouvelle longue, publiée en français dans le recueil éponyme. Brume, qui s'appelle Skeleton Crew en VO. Je propose qu'on y aille tout de suite, allons spoiler, comme d'habitude, la nouvelle et le film. Et n'oubliez pas, hein, vous pouvez regarder et la nouvelle et le film, puisque là, pour le coup, la fin de la nouvelle et du film sont totalement différentes. Oui, effectivement. La nouvelle nous raconte l'histoire de David Drayton, un illustrateur qui vit avec sa femme et son fils, et suite à une tempête un jour qui abîme beaucoup leur maison, il se rend avec leur voisin dans un supermarché proche pour acheter des provisions et de quoi réparer un peu les dégâts. Sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a une brume étrange qui envahit totalement l'extérieur de la ville. Et dans cette brume étrange, il y a des choses, en tout cas si on entre dans cette brume, on se fait tuer de manière horrible. Donc, ils vont s'enfermer dans le supermarché avec plusieurs autres clients, et on va suivre l'isolement des différents personnages qui vont peu à peu développer des tensions entre eux, parce que entre ceux qui veulent sortir, ceux qui voient ça comme un châtiment divin. Voilà, les tensions montent rapidement, tandis que les personnages se demandent comment échapper à ce traquenard. La nouvelle est écrite en 1976 pour une anthologie horrifique appelée Dark Forces, dirigée par l'agent de King qui s'appelait Kirby McCauley. King en fait a du mal à trouver une idée quand son agent lui demande d'écrire une nouvelle comme ça, et elle lui vient finalement lors d'une véritable tempête, donc le début est une retranscription relativement fidèle de cette tempête-là, jusqu'au moment où King va faire des courses au supermarché le lendemain avec son fils. C'est après que ça dévie, King dit dans les interviews qu'il imagine tout à coup ce qui se passerait si des espèces de créatures éléchées bizarres se mettaient à défoncer les rayons. Voilà. Il écrit le récit assez rapidement, en une semaine, mais il a du mal à vraiment l'apprécier avant de passer aux réécritures et lui donner un rythme qu'il trouve plus rapide, qui convient mieux selon lui à ce récit. Par contre, son agent l'aimait beaucoup, sans s'attendre à ce que King envoie une nouvelle aussi longue d'ailleurs, et elle a bien été publiée donc dans le recueil Dark Forces en 1980, dans lequel on trouve donc d'autres textes mais d'autres auteurs. Mmh. Et finalement, elle est mise en recueil de King, comme je le disais, en 85 dans Skeleton Crew. Qui est publié chez Putnam, et la sortie française de Brume, c'est 87. La nouvelle est nommée au World Fantasy Award 1981 du meilleur roman. Ils se sont dit, vu la longueur, j'imagine. Ah oui, voilà. Et j'ai pas pu tester, mais en 85, elle est adaptée en fiction interactive par Mindscape, tu sais, en jeu en fait de texte, avec des choix à faire. Le jeu est disponible en entier sur archive.org, mais j'ai pas eu le temps de le tester. Ah, ça m'intrigue, ça. Elle a été citée comme source d'inspiration par les développeurs de Half-Life et de Silent Hill 3. Je sais plus ce qui se passe dans Silent Hill 3, mais bon. Dans Silent Hill 3, le jeu... Bah, rien à voir avec de la brume, déjà. Bah écoute, je sais pas. Est-ce que c'est la petite fille du héros du 1 qui revient, parce qu'elle cherche son père, elle retourne à Silent Hill, et tu sais, elle est poursuivie par par une espèce de lapin animatronique qui veut la tuer. Je cherche le J'ai rapport, hein, pas dû le faire, le 3. mais je vois pas le rapport en fait. Non, bah je sais pas, écoute. C'est peut-être une inspiration lointaine. Peut-être. Ça fait pas partie des nouvelles les plus connues de King et on la trouve pas dans des classements des meilleures nouvelles, etc. ou des meilleurs romans, et voilà. Mais ça reste un récit plutôt bien apprécié globalement par les fans. Voilà, c'est un récit apprécié sans être dans les tops. D'accord. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Je te laisse la main. Bah oui, effectivement, je peux comprendre que ça soit un récit apprécié, mais pas dans les tops. Parce que c'est une bonne lecture. Ça fait le taf, c'est sympa, ça divertit. La brume en elle-même est plutôt inquiétante. Les personnages sont plutôt bien caractérisés. Les clichés sont poussés à fond. Comme dans le film, on y reviendra. Ils sont déjà poussés à fond dans la nouvelle. Certes, ils le sont plus dans le long métrage. Mais on retrouve ce qui fait le sel de King, hein. La religion à outrance chez certains personnages qui l'utilisent pour s'échapper, mais qui du coup devient une dérive sectaire. En fait, le seul truc qui manque au tableau des trucs habituels de King, c'est le personnage handicapé. C'est la seule chose qu'on n'a pas dans Brume, parce que sinon tous les clichés habituels de King, on les a. Et c'est pas une lecture désagréable, mais c'est pas une lecture extraordinaire non plus. Enfin, moi j'ai passé un bon moment devant, mais. Alors, du coup, moi c'était la première fois que je la lisais. Hein. D'accord. C'était la première fois que j'avais déjà vu le film, du coup, et la série, mais je n'avais jamais lu la nouvelle. Ah, ok, je pensais. Et je pense pas que je la relirai d'ici là, parce que ça va pas non plus laisser un souvenir impérissable. Mais c'est clairement pas une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est une nouvelle honnête, qui fait le taf, mais qui marque pas. Qui a pas réellement de choses marquantes dans son intrigue. Ouais, alors globalement, je vais être d'accord avec tes observations, en étant un peu plus négatif sur la vie finale, je pense. Le problème que j'ai avec Brume, c'est que c'est effectivement une nouvelle assez cliché dans le style de. Je sais pas comment appeler ça, du huis clos où des personnages sont enfermés avec une menace extérieure. Le problème, c'est que ce style-là, de base, je n'y suis pas particulièrement sensible. Et donc les clichés ont tendance à plus m'agacer qu'autre chose. Ce qui fait que Brume, il y a des très bonnes idées, c'est une nouvelle bien écrite qui a effectivement un certain rythme, un petit côté Bachman, je trouve, dans la rigueur, dans le côté rugueux de l'écriture. Mais bah, voilà, les personnages me sont plus désagréables qu'autre chose, ils sont assez pénibles, je m'y attache pas. Ce qui fait que, bon, c'est pas extraordinairement long, mais c'est tout de même un peu trop long. Pour moi, j'ai tendance à m'ennuyer sur la fin. Je passe pas un radicalement mauvais moment devant la nouvelle, mais ouais, c'est vraiment pas foufou, je trouve. Encore, l'idée de la brume est très bien, la gestion des monstres quand ils apparaissent, enfin qu'ils apparaissent, est très bien. J'aime beaucoup la fin de la nouvelle, pour le coup. Ouais, qui est très énigmatique, quoi. Ouais, qui est très ouverte. Le fait qu'on ne sache pas d'où vient la brume exactement est plutôt bienvenu. Le côté assez violent du fait que t'apprennes bah, que la femme n'a pas pu être sauvée, clairement qu'elle est morte, Oui. J'aime bien. La brume, on se doute que les militaires, ils sont pour quelque chose, c'est pas confirmé à 100%, mais on s'en doute. Oui, mais Vu on ne sait pas que. exactement ce qu'ils étaient en train de faire dans leur Voilà. labo, comment ça s'est fait. Mais vu que les militaires se suicident, bon, on se doute que du coup, ils sont responsables de quelque chose, c'est juste qu'on ne sait pas Oui. quoi exactement. Bon, et puis des militaires chez King, de toute façon, ils sont responsables de quelque chose aussi, donc Voilà. voilà. Mais disons que oui, dans le film, c'est plus mis en avant. Voilà, pour moi, c'est vraiment OSEF qui lorgne vers le vaguement pénible qui aurait pu le devenir beaucoup plus si ça avait duré plus longtemps, tu vois. Ouais. Oui, effectivement, t'es plus radical. En fait, je trouve que du coup, la nouvelle s'attarde trop sur certains trucs et pas assez sur d'autres. Alors dit. Bah, c'est-à-dire que tout ce qui est personnage, au final, on s'en fiche un peu, je trouve. Et tout ce qui est moment d'angoisse qui commence à être bien maîtrisé, eux, sont beaucoup trop rapides. et expédié. Bah, le souci des personnages, c'est que comme ils sont très clichés, au final, ouais, ils n'ont pas vraiment de développement. Ils restent toujours dans leur rôle initial, dans leur case. Et c'est le type d'interaction qui m'énerve. Le voisin, il est là pour ça. Mais en fait, il me fait pas juste un sentiment d'antagoniste, il m'énerve vraiment en tant que personnage écrit, tu vois. Surtout pour le coup, c'est pas vraiment un antagoniste, vu qu'à un moment il sort du roman comme ça, puis on le revoit plus du tout. Ouais, mais c'est un peu le. En fait, c'est aussi assez cliché sa sortie, parce que tu te doutes, c'est le personnage qui n'y croit pas, nous c'est un des premiers personnages à mourir. Ouais, tu te doutes qu'il est. En fait, l'ordre de mort des personnages aussi est assez prévisible. Mis à part peut-être qu'il y a beaucoup de personnages, donc c'est plus dur de faire les paris, mais voilà. Et même la religieuse, je la trouve un peu trop cliché, tu vois, dans celui-là. Pour le coup, oui, elle est clichée. Je pense que, du coup, c'est voulu, mais je trouve que c'est celle pour laquelle ça colle le mieux. Parce oui. que c'est vraiment celle sur laquelle on veut se focus, on veut qu'elle crève. Oui. Mais clairement, et du coup, c'est vraiment volontaire, et je trouve que c'est celle pour qui ça passe le mieux, son caractère, le fait qu'elle soit poussée à donf, quoi. Moi, le vrai personnage qui m'agace le plus dans la nouvelle, parce que je le trouve moins chiant dans le film, c'est le personnage du père, en fait. Le personnage du père, vraiment, il est antipathique dans la nouvelle. Donc plus ou moins le héros. Voilà. Ouais. Dans la nouvelle, il est vraiment... Il a ce petit côté antipathique dans le film, mais je trouve que c'est plus mis en avant que c'est surtout pour son fils qu'il est comme ça. Oui. Alors que dans la nouvelle, vraiment, il est antipathique dès le début, quoi. Dès le début, c'est un sale con. Avec quoi, vraiment. Avec quoi, par exemple? Bah, dès le début, il a pour volonté d'aller faire chier son voisin, quoi. Oui. Tu vois, après, oui, son voisin est un connard. Son voisin est un connard, mais son voisin, il le fait bien comprendre après, il a vraiment la sensation de, vu qu'il n'est pas de la ville, que lui, il vient de la grande ville, tout le monde le rabaisse. Et c'est typiquement le genre de truc que je peux comprendre. Le genre de sensation que je peux comprendre d'être rabaissé parce que tu fais pas partie de la communauté, tu fais pas partie de la famille. Tu vois, je peux comprendre en fait pourquoi il se met dans cet état-là. Et du coup, le fait que l'autre con, là, il ait déjà eu une confrontation et un procès, qu'il l'ait déjà gagné en plus, et qu'en plus, il va continuer à aller l'emmerder, voilà, ça me... Surtout qu'il est en train de se bourrer la gueule alors qu'il est que 9h du matin, non mais gros, tu vas te calmer. Oui, et ça, oui. Bon, après, moi, j'ai eu des voisins qui étaient des gros connards une fois, donc peut-être que je prends plus le parti de David à cause de ça, je sais pas. Mais en tout cas, je le trouve beaucoup plus antipathique que dans le film. Ouais. Oui, bah aussi son aventure extra-conjugale qui, mine de rien, joue. Hein, oui, en plus. Un peu, Et totalement gratuite, en plus. Hein. Oui. C'est genre, il voit une mondesse un peu mignonne, et ça y est, direct, il y pense. Il veut la sauter, et puis il le fait. C'est pas sous-entendu que c'était déjà fait hein. Ah, j'ai pas souvenir. Ah, je l'ai pas lu, j'ai pas eu le temps de la relire, mais j'avais souvenir que c'était sous-entendu que c'était déjà fait, mais non, peut-être pas, effectivement. Ah, j'ai pas souvenir qu'il y ait des sous-entendus. Non, moi, il me semblait que c'était la première fois. Ah, peut-être, bon, bah, c'est, écoute... Faut bien s'amuser un peu, hein. Oui, surtout dans des situations comme ça. Ouais. Alors, autant la nouvelle, c'est pas la longueur de la nouvelle en elle-même que je vais parler, mais peut-être que tout arrive trop vite, au sens où ça se passe en 2 jours. Ouais. Peut-être un peu trop que ça parte à ce point en couille en 2 jours. Enfin, j'ai peut-être trop confiance en l'humanité, mais c'est pas mon style. Donc, je me dis que si ça s'était étendu sur une semaine... où il y avait eu les premiers problèmes potentiellement de maladie, les premiers problèmes concrets d'hygiène, les premiers problèmes concrets aussi de nourriture, parce qu'un supermarché avec plein de gens enfermés dedans, il y a beau y avoir pas mal de nourriture, ça finit par s'épuiser. Hein. Oui. Ça aurait peut-être été plus efficace, tandis que là, tout va très vite. Carmody, la religieuse, j'ai l'impression que... Je vois ce que tu veux dire. En 24 heures, c'est passé de, certes, la folle au chat dans les Simpsons, la méchante à la fin de Silent Hill, c'est... Je vois ce que tu veux dire, parce que là, normalement, on est jour 2, il y a encore la bouffe de disponible. Mis à part les créatures, il n'y a rien à craindre, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est là, ils partent tous très... Ça monte très rapidement dans les tours, en fait. Ouais. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais après, voilà, c'est une nouvelle bien faite. Je pense que c'est en grande partie que les codes avec lesquels elle joue me touchent pas. Mais voilà, c'est une nouvelle que je relirai pas, je pense, et qui fait vraiment pas partie du meilleur de King pour moi. Et du coup, on est quand même du même avis sur ce point-là. Ouais. Toi, est-ce que t'as des choses à dire de la nouvelle ? Bah, pour la nouvelle, du coup, non. Après, je vous conseille quand même l'achat du recueil Brume, qui est maintenant édité en un tome en France, je crois, aussi. Oui, chez Livre de Poche. Il y a une période, c'était en deux tomes, ouais, Brume. Chez Livre de Poche, il y avait Brume la Faucheuse et Brume Paranoïa. Maintenant, ils ont refait en un tome, et par contre, il y a d'autres nouvelles de Brume qui sont vraiment excellentes dedans. Donc, le recueil vaut le coup d'être acheté pour quasiment tout le reste. D'accord. Qui, pour le coup, sont des bien plus petites nouvelles. Hein, à part une, la Balade de la balle, quelque chose qui est plus courte que Brume, mais qui fait quand même ses 70 pages, je pense. D'accord. Parce que Brume en fait. Dans l'édition Livre de Poche, Brume a fait pas loin de 220 pages. Ah oui, moi c'est 150 sur 600 et quelques. Donc, oui, parce que c'est un quart, c'est un quart du recueil, ouais. Parce que toi, c'est un grand format. Ouais, c'est ça. Bon, on va passer au film alors. Et passons au film. Une fois ces mots délivrés, le messager repartit. Venez ! Abby Billy, je l'emmène en ville avec moi. Je vais vite au supermarché avant qu'il dévalise tout. Et comment vous en êtes sorti avec cette tempête ? C'est l'assurance qui va trinquer. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la mort. Il y a quelque chose dans la brume ! Fermez la porte ! La seule façon de s'en sortir, c'est d'aller chercher les secours. Attache ça autour de ta taille. Il y a à peu près 100 mètres. Le temps est venu de prendre parti. Le livre saint dit qu'il nous faut du sang. Tout le devant du magasin est fait de verre, il y aura de la casse. Vous faisiez quoi comme expérience là-haut ? Ils pensaient trouver d'autres dimensions. Ils essayaient de fabriquer un passage. Votre passage s'est transformé en porte ouverte. Non ! Qui sera son prochain sacrifice ? Nous voulons l'enfant ! Essayez, vous verrez. Tuez-les ! D'après le roman de Stephen King, The Mist. À l'époque où Frank Darabont se lance dans son premier projet de long métrage en tant que réalisateur au début des années 90, il hésite entre deux histoires à adapter. La première, c'est Les Évadés, et la deuxième, c'est The Mist. Bon, comme on le sait, il va finalement opter pour Les Évadés, ce qui va le catégoriser, en fait, pendant un temps, comme un réalisateur de drame. D'autant plus qu'il va enchaîner sur La Ligne Verte peu après, donc il va être classé dans cette catégorie, alors qu'en tant que scénariste, il était déjà quand même très proche du cinéma d'horreur. Je rappelle qu'il a bossé sur Freddy 3, sur Frankenstein, enfin sur des choses comme ça. Sur le remake du Blob. Ouais, effectivement. Et pourtant, en tant que réal, il va mettre un moment à revenir vers l'horreur quand il peut enfin faire The Mist des années plus tard. Oui, en 2007, ouais. Des années plus tard. Pendant toute cette période, King a été contacté pour vendre les droits de Brume, mais il les a conservés à Frank Darabont, bon, toujours pour la même misère à laquelle il vend ses droits, parce que il avait confiance en ce réalisateur-là, il s'entendait bien, donc il disait « Non, je veux que ce soit Frank Darabont qui puisse adapter un jour cette histoire. » Ça, c'est gentil. Donc oui, c'est gentil. Et visiblement, en fait, on avait déjà parlé de l'idée des $1 Babies, oui, de King, qui sont en gros des nouvelles vendues à $1 pour absolument tous les droits, à plutôt des étudiants en cinéma, donc qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et visiblement, l'idée lui est venue à cause du premier court-métrage de Darabont adapté de La Femme à la Fenêtre, où c'est la première fois qu'il a fait ce contrat-là, en fait. D'accord. Darabont commence finalement à écrire les premiers jets du scénario à la fin de l'année 2004. Un des premiers débats qu'il y a, et il discute de ça avec King, c'est par rapport à la fin de l'histoire. Parce que la nouvelle finit sur une fin ouverte, en fait. Les personnages, David, son fils et quelques autres, parviennent à sortir du supermarché, à prendre un véhicule, et ils s'éloignent dans la brume. Et la nouvelle, grosso modo, se termine là-dessus, c'est-à-dire ils ont une direction vague dans laquelle aller, où il y a des rumeurs comme quoi la brume n'aurait pas été jusque-là. Ils entendent un signal radio. Voilà, c'est ça. Mais ils ont aucune preuve. Oui, c'est l'espoir. Donc on sait pas s'ils vont s'en sortir du tout. C'est l'espoir qui les fait avancer. Ouais. Et du coup, c'est une fin un peu trop ouverte pour Hollywood. Ouais, voilà. Même si, bon, la fin choisie par Darabon, on peut pas dire qu'elle soit très Hollywood-friendly, faut pas exagérer. C'est vrai que... Parce que la fin de Darabon, donc ça reste assez proche de la nouvelle jusqu'au moment où ils sortent et où ils s'éloignent en véhicule dans la brume. Sauf que là, on va voir jusqu'au moment où leur véhicule va tomber en panne d'essence. Et là, les personnages vont décider, on est foutu, donc autant se tirer une balle dans la tête plutôt que de se faire massacrer de manière horrible par des monstres. Il leur manque une balle, donc David va tuer les trois autres passagers et son fils avec les balles qui restent. Et lui, il sort du véhicule en attendant d'être mangé par les monstres, sauf qu'à ce moment-là, l'armée débarque en repoussant la brume et avec toutes les armes qu'il faut pour tuer les monstres. Donc en fait, ils auraient pu être sauvés s'ils avaient attendu quelques minutes de plus. Donc une fin très sombre, beaucoup plus sombre résolument que celle de la nouvelle, qui plaît beaucoup à King, et qui va être un des points qui va rendre difficile de trouver un producteur en fait pour le film. Parce que plusieurs compagnies sont prêtes à donner de l'argent, dont la Paramount d'ailleurs, voire à donner beaucoup plus d'argent, à donner un budget double de celui qu'aura finalement le film, à condition de changer la fin. Oui, parce qu'ils voulaient un happy end. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, un truc moins sombre. Ouais. Mais finalement, c'est le producteur Bob Weinstein, donc de Dimension Films, qui va contacter Darabon et qui va être d'accord pour tourner le film avec cette fin, effectivement en lui disant, bon, du coup, niveau budget, ça va pas être la grande folie. Venant des Weinstein, c'est quand même assez étonnant, il faut le signaler. Oui, après, je crois que Dimension Films, comme c'était des plus petits budgets, genre Horrifique et compagnie, ils étaient un peu plus coulants dans l'ensemble. Ouais. Après, là, du coup, c'est Bob, c'est pas... Ouais, mais bon, Harvey est pas loin derrière. Oui. Donc, Dimension Films, on en a quand même déjà parlé, c'est quand même eux qui sont derrière Chambre 1408, donc ouais. Ils peuvent faire des bons films. Les Weinstein sont des énormes connards, mais... Ah, voilà. Il y a même des productions Weinstein directement qui sont bonnes, hein. Ah oui. Bah, en même temps, ils étaient tellement derrière le cinéma indé des années 2000-2010 que oui. Ça a été les producteurs de Tarantino pendant longtemps, hein. Ouais. Ouais. Jusqu'à Les 8 Salopards, il me semble. C'est ça, Kevin Smith aussi, c'est produit par les Weinstein souvent. Enfin, il me semble que Les 8 Salopards. Ouais, c'est le dernier produit par Weinstein. C'est le dernier produit, ouais, par Weinstein directement. Même des films comme Good Will Hunting, je crois que c'est les Weinstein, enfin, oui. C'est des énormes producteurs. Donc, au final, le budget va être limité, ce qui va nécessiter donc 8 millions de dollars, ce qui va nécessiter une pré-production assez réduite, 6 semaines, un tournage rapide, seulement 37 jours, et pour s'entraîner justement à tourner rapidement, peu avant le tournage de The Mist, Darabon va faire un épisode de The Shield, parce que forcément, à la télévision, on tourne vite, et en plus, The Shield est une série qui a un style assez nerveux. Ouais. Dans la réalisation, et c'était à peu près ce qu'il voulait pour sa série, pour son film. Il voulait faire quelque chose de plus direct et rythmé que ses films précédents, qui étaient plutôt vus comme des drames assez lents, qui prenaient leur temps, qui exploraient bien les personnages, etc. Bah, ce qui est le cas. Hein. Oui. Mis à part la fin, le seul autre gros changement, c'est la suppression justement de la relation extra-conjugale qu'il y avait dans la nouvelle. Là, les deux personnages, David et Amanda, deviennent amis, développent une amitié, mais pas romantique. Oui, il n'y a même aucun sous-entendu de romantisme. Ouais, voilà. Et un des premiers jets apparemment contenait une scène d'introduction qui montrait ce qui se passait exactement dans la base militaire autour du projet Arrowhead avec l'ouverture d'un portail dimensionnel, mais ça a probablement été supprimé avant même la dernière version du script, et en tout cas, ça n'a jamais été tourné comme scène. Bah, tant mieux. Le production designer, c'est Greg Melton, qui reviendra par la suite sur The Walking Dead, qui est une série créée par Darabon, et qui est aussi sur la série Agents of S.H.I.E.L.D. Il avait travaillé sur un certain nombre d'épisodes des Contes de la Crypte et de la série Freddy, et on le retrouvera, nous, sur Les Démons du Maïs 2. Et Darabon, en fait, avait demandé, niveau design, à ses équipes de créer quelque chose qui mélange un peu différentes époques, parce qu'il voulait que le film n'ait pas l'air trop moderne, mais en même temps il voulait pas que ça ait l'air d'un film d'époque non plus. Donc c'est pour ça que t'as des véhicules un peu vieux, mais que t'as du mal à dater exactement. Ouais. C'est pour essayer de rendre ça un peu intemporel. Bah typiquement le gros véhicule du personnage principal à la fin. Hein. Oui, voilà. C'est Greg Nicotero qui s'occupe du design des monstres et c'est un élève de Tom Savini. Donc il a été en assistant de Savini sur plusieurs films. Lui aussi sera très récurrent sur Walking Dead. Il s'est occupé de Killer Croc dans Suicide Squad, ce qui était loin d'être le truc le plus mal fait de Suicide Squad. Oui, mais bon, c'était pas non plus extraordinaire. Non, mais bon, ça va. Il a travaillé sinon sur le monde fantastique d'Oz, sur L'Homme au Point de Fer, pas mal de Tarantino, de Rodriguez, de Wes Craven et de Carpenter. Donc bon, ça va dans un CV. Il a un beau CV. Sur Piranha 3D, sur Splice, jusqu'en Enfer, bah du coup, aussi de Rémi. Sur La Colline à des Yeux, de nouveau de Alexandre Aja, c'est le nouveau, pas l'ancien. Sur les Narnia, qui a pas mal de créatures top. Et je l'avais pas mentionné, mais en réalité, il était déjà, mais avec un boulot peut-être moindre, quoique j'aurais pu le mentionner pour Les Ailes de la Nuit et pour La Ligne Verte. D'accord. Voilà. Et on le retrouvera sur Creepshow 2, Misery et Darkseid, les contes de la nuit noire. C'est marrant, il a un CV ultra différent en termes de genre abordé. Oui, effectivement, ouais. Il a quand même fait les créatures dégueulasses de The Mist, et puis après il a fait des trucs dans Narnia. C'est vrai que c'est... Bon, après il y a des créatures qui font un peu peur dans Narnia, mais c'est vrai que pas oui, trop. Oui, mais ouais. C'est quand même typiquement orienté jeunesse, quand même, Narnia. C'est plutôt chouette, Narnia. Bon, ouais, le premier, oui, mais après, ceux d'après... Et les romans. Ah, les romans. Oui. Alors, si tu remarques, même les deux premiers films, moi j'ai bien aimé. Hein. Le troisième est un peu chiant et tire trop sur le la deuxième, corde. Mais... Le deuxième baisse déjà bien, je trouve. Ah, moi, j'ai passé un bon moment dans le deuxième. C'est pas catastrophique, mais ouais. Les romans sont très cool. Ouais, les romans, oui. Les concept art sont faits par Bernie Wrightson, dont on a parlé au dernier épisode. Oui. Sur Creepshow, donc si vous voulez en savoir plus sur lui, n'hésitez pas à aller réécouter. C'était Chris qui en parlait. Ainsi que par Jordu Schell. Ce dernier, il a travaillé sur pas mal de films de genre, donc on peut citer Predator 2, Bride of Reanimator, Los Angeles 2013, Volteface, Starship Troopers, Alien Resurrection, le film X-Files, La Planète des Singes, Dawn of the Dead, Hellboy, Avatar. Donc pareil, un beau CV quand même. Le Hellboy de... De Del Toro. D'accord, oui. Ouais. Donc oui, pas un CV dégueulasse non plus. C'est ça. À part, y avait une assez grande liberté dans le choix de création des créatures, parce que finalement, dans la nouvelle, elles sont décrites de manière rapide. On n'a pas d'informations très très précises sur elles. Bah oui, mais mis à part les insectes, les araignées, aussi, ouais. Peut-être les ptérodactyles là. Ouais, et encore, c'est même ça, tu sais quelle forme vaguement c'est, mais voilà. Pas en détail. Le but, c'était de créer en fait une sorte de d'écosystème qui paraisse crédible, qui paraisse évidemment venu d'une autre planète, mais qui paraissent crédibles avec notamment bah, les insectes qui sont chassés par les oiseaux, ce genre de choses, ils voulaient vraiment travailler là-dessus. Il y a des marionnettes qui sont créées, des marionnettes basiques, qui servent surtout aux répétitions pour que le casting voit à quoi ressemblent les créatures, mais par contre au moment du tournage, c'est tourné uniquement avec des repères visuels, et c'est entièrement des effets numériques. Qui sont plutôt bien faits encore aujourd'hui. Hein. Oui, vu le budget, oui, ils sont raisonnables. Il y a quelques fois où ça rend un peu mal à l'écran, mais sinon, globalement, ça va. Hein. Le directeur de la photo, c'est Ron Schmidt, que Darabon avait rencontré sur The Shield et qu'il retrouvera sur Walking Dead. C'est surtout un directeur photo de série, mais on peut mentionner quelques films. Daredevil Invincible 2, la série des 4 Inside Out, de ce que j'en ai compris, c'est des films érotiques produits par Playboy. Et Le Sapin à les Boules 2. Bah, voilà. Tu vois, il y a des gens, ils ont des bons CV, et il y en a, bah, ils ont des CV de merde. Ouais. Bah voilà. Ouais, même si Le Sapin a les boules d'eau, j'ai presque envie de le voir. Mais quoi qu'il en soit, il a quand même un CV plus intéressant que nous. Oui, oui, non mais c'est les contacts, ça. Ah c'est, oui. Voilà. Bah quand tu travailles pour Playboy, oui, t'as du c'est, contact. C'est pas qu'on a raté notre vie. Ah. Le film s'est filmé sur pellicule afin de donner un peu plus de grain à l'image, d'avoir un truc pas trop léché, pas trop propre. Il y a même des fois un peu trop du grain sur l'image. Oui. Et la reprise d'une partie de l'équipe de The Shield est due à l'envie de Darabon d'avoir un style plus documentaire. Et c'est pour ça aussi qu'il y avait deux cadreurs en simultané sur chaque scène. Donc c'était filmé en multicam perpétuel et caméra à l'épaule quasiment tout le temps. Et en fait, les cadreurs pouvaient improviser pas mal, Ce qui fait que le casting ne savait jamais exactement sur qui allait être la caméra, ce qui rajoutait un peu de tension, ce qui permettait de capter des moments inattendus, de faire des mouvements plus brusques, ouais, plus nerveux. Puis tout le monde fait attention à son jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça forçait une concentration constante, et ça amenait peut-être aussi des prises plus longues, parce que vu qu'on filmait avec deux caméras, bah on pouvait après mélanger plusieurs plans, enfin... Oui. Voilà, bon, ça a rendu le montage plus compliqué, apparemment, oui, mais c'est chaotique, mais voilà. Au niveau du montage. Au niveau du casting, on va mentionner les membres principaux, même s'il n'y a pas tant d'acteurs connus que ça. Déjà, Thomas Jane, qui joue David Drayton, on l'a déjà vu dans Dreamcatcher, je vous renvoie à ce podcast pour sa formidable filmographie. Dans le rôle de Brent Norton, le voisin, on a André Broger, lui on l'a déjà vu dans Salem, celui de 2004. Pareil, je vous renvoie à ça pour sa filmo, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est surtout, il est surtout connu pour Brooklyn Nine-Nine, ouais, pour le rappel. Oui, oui. Dans le rôle de Mrs. Carmody, donc la religieuse, il y a Marcia Gay Harden, une actrice qui commence au théâtre, mais qui commence assez fort dès qu'elle se dirige vers le ciné, puisqu'elle a un rôle important dans Miller's Crossing des Coen. Mm-hmm. Et ensuite, elle apparaît dans des rôles secondaires ou... assez important parfois dans Flubber, Rencontre avec Joe Black, Mystic River, Into the Wild, Magic in the Moonlight, et la série des 50 nuances de Grey, ça arrive. Il faut payer ses factures. Ouais. Ah, il sape. Elle joue la mère de Christian Grey, voilà, si tu veux savoir. Si demain on te propose, est-ce que tu veux jouer dans dans une suite à 50 nuances de Grey, il faut bien payer les factures. Ouais, je lis le scénario avant quand même, parce que c'est un coup à se retrouver dans un sacré traquenard. Ah, c'est un coup à se retrouver dans la scène de Pulp Fiction. C'est ça. Dans le rôle d'Amanda, on trouve Laurie Holden, qui jouera ensuite dans The Walking Dead. Elle a un rôle important sur les premières saisons, je crois. Oui, oui, oui, peut-être. Tu sais, les premières saisons de Walking Dead, c'est loin. Oui. Et puis je les ai... Voilà, comme je m'en fous, hein. Elle jouait la policière dans Silent Hill. Oui, par contre ça, je me souviens de son nom pour ça. La Silent Hill de... Christophe Gans. Ouais, qui est vraiment bien. Hein. Ouais, qui est une bonne adaptation. On en a parlé plusieurs fois, je crois, mais c'est vraiment un film sous-estimé, je trouve. Oui, non, mais oui, c'est une bonne adaptation, qui est très sympathique. Par contre, faut pas voir le 2. Ouais, ouais. Elle a un rôle récurrent dans X-Files, dans le rôle de Marita Covarrubias. Ah, peut-être, oui, ça me dit. Oui, ça pas la moindre idée de qui c'est, mais je me suis dit, peut-être toi. Non, ça me. Là, par contre, ça me parle pas. Parce que je crois qu'elle est dans une dizaine d'épisodes, quand même. Ouais, ça doit être un personnage secondaire qu'on voit par-ci par-là. Mm-hmm. Et actuellement, elle est dans The Boys, dans la saison 3. Elle joue la Crimson Countess, un truc comme ça. Ah, j'ai pas regardé The Boys. J'ai lu les comics, mais j'ai pas regardé la série. D'accord. Holly, qui est un employé du magasin, il est joué par Toby Jones, un second rôle récurrent. Ouais. Alors moi j'étais sûr d'avoir vu sa tête dans Harry Potter, mais en fait non, parce qu'il fait la voix de... il joue bien dans Harry Potter, mais il fait la voix de Dobby en fait. Ah. Donc on n'a pas vu sa tête. Par contre, il joue le méchant dans un épisode de Sherlock. Oui, exact. Dans le deuxième épisode de la saison 4, le détective affabulant, ouais. Il joue le méchant et c'est un très très bon épisode, le détective affabulant. Bah, il joue, de toute façon lui, comme tu dis, c'est un habitué des seconds rôles. Et surtout, il joue autant dans des gros blockbusters que dans des tout plus petits films. Ouais, il a vraiment une tête de... Je trouve qu'il a une tête de sadique. Bah, enfin, il joue bien les sadiques, en tout cas. Il joue un méchant dans le MCU. Oui, le docteur Arnim Zola. Ouais, Arnim Zola, ouais. Alors, j'ai vu qu'il était dans plusieurs films du MCU, dont certains que j'avais vus. Je n'ai plus la moindre idée de qui c'est. Parce que en fait, il apparaît physiquement que dans le premier Captain America, il me semble. Et ensuite, il est sous forme d'intelligence artificielle, donc c'est que sa voix que t'entends. D'accord. D'accord, bah c'est... Ouais. Parce qu'il est, par exemple, dans Le Soldat de l'Hiver, mais il est que en... Genre, il est mort, donc du coup, il est en forme d'intelligence artificielle. D'accord. Ouais, bah ça doit être pour ça, alors. Il est dans la série Wayward Pines, et aussi dans un épisode de Doctor Who, Si c'est bien celui que je pense, c'est Le Choix d'Ami, donc c'est le dernier épisode dans lequel apparaît Amy Pond. Docteur Rouge, je te fais confiance, tu sais très bien. C'est toi le spécialiste. Si c'est bien celui que je pense, c'est un très bel épisode. D'accord. De la période Matt Smith. Dan, c'est un des vieux, enfin le vieux principal. Vieux principal. Je sais pas comment le qualifier. Il est joué par dans la ligne verte. Jeffrey Damon, donc déjà dans la ligne verte. Idem pour William Sadler, qui joue un des militaires, mais dans un tout petit rôle dans la ligne verte. Bon, depuis, il a une filmo assez chargée, mais je vais pas insister dessus. Et enfin, Irène, la petite vieille enseignante, ah oui, est jouée par Frances Sternhagen, qui était dans L'Esprit de Cain de De Palma. Elle joue la psy du héros. Oui, oui. Et on la reverra dans Misery, mais alors je ne sais plus du tout dans quel rôle dans Misery. Ah bon, elle est dans Misery ? Ouais. Ah bon ? Elle joue peut-être la secrétaire. Ah, peut-être. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de persos dans Misery, bah, forcément. Non. C'est pour ça que le seul perso dans Misery pour moi, bah, c'est... Kathy Bates, c'est le romancier, c'est le flic à un moment qui intervient, là, qui passe un sale quart d'heure dans le jardin. Ouais. Bah, en même temps, c'est quasiment un huis clos à deux persos, donc on oublie les autres, mais il y en a quelques autres qui apparaissent vite fait. C'est bien un film dans lequel j'ai hâte de parler, c'est bien celui-là. Ouais, il va être chouette celui-là. Bref. Et elle a un rôle récurrent aussi dans Urgence. Elle joue la mère d'un des personnages, mais j'ai oublié de noter de qui. Alors là, bon, Urgence, c'est tellement loin, ça remonte à tellement loin. Alors, c'est une série que je pourrais conseiller toute ma vie, parce que c'est tellement une incroyable série télé, Urgence. J'ai pas assez regardé, mais ça m'a l'air très souple, moi. Non ? Ah bah, ça l'est totalement. Ouais. Mais les personnages sont tellement bien écrits. Les personnages sont tellement bien écrits, il y a tellement d'émotions qui sortent de l'écran dans Urgence, c'est incroyable. Ouais. Mais c'est dû à l'écriture des personnages, c'est ça. C'est vraiment, tu es investi avec eux dans leur vie, qu'elle soit professionnelle au sein des urgences ou personnelle, quoi. Peut-être un jour quand je ne travaillerai plus. C'est vraiment une série incroyable. Après, c'est quand même 15 saisons, faut quand même se les faire. Bah, c'est pour ça quand je travaillerai plus. Mais c'est vraiment une série incroyable, Urgence. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de toute ma vie. D'accord. La scène la plus difficile à tourner, apparemment, c'est la scène de l'attaque des monstres dans le supermarché, qui est assez longue, qui contient beaucoup d'effets spéciaux, forcément. Bah, surtout s'il y avait deux cadreurs, en plus. Ouais, et qui a été tournée en 6 jours, hein, ce qui est peu pour une scène avec autant de contraintes, ouais, de base. Avec cette ampleur-là, avec toutes ces contraintes. Ouais, c'est ça. Surtout que Darabon s'est en fait assez vite rendu compte que les storyboards très méticuleux qu'il avait préparés, parce que c'est un réalisateur plutôt appliqué, on va dire, là-dessus, ils étaient plus du tout à jour, ils étaient plus du tout utilisables au moment de tourner, et donc il a fini par dire « Ok, on fout tout à la poubelle, et on improvise. » Ah oui, d'accord. Voilà. Le pire, c'est quoi, il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de piles dans la caméra. Il y a un problème qui s'est posé, c'est qu'au départ, ça y est, au début de la scène, en fait, c'est très peu éclairé. Il s'éclaire avec des bougies, avec des tout petits trucs, parce que l'électricité des grandes enseignes a été fermée. Et ils se sont rendus compte au tournage que oui, c'était joli, sauf que quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage, ça prend une plombe de préparer le plan, au niveau de la photographie. Et donc, Darabon a rajouté cette idée de personnages qui préparent des gros spots en cas d'attaque, justement, et qui sont allumés au début de la scène pour faire plus d'éclairage et donc pour pouvoir tourner beaucoup plus rapidement chaque plan. Donc ça a été décidé au dernier moment. Et il y avait normalement aussi toute une séquence où on devait voir Billy se faire attaquer, donc le fils, se faire attaquer par une espèce de mille pattes extraterrestre, mais ça a été supprimé et remplacé par autre chose, parce que niveau rythme et niveau gestion, c'était trop compliqué. Donc voilà. Mille pattes extraterrestres. Ouais. De la dimension X, de la planète X, comme il dit l'autre. Et on peut mentionner, parce que c'est un peu rigolo, qu'il y a eu au poste très important de secoueur de rayons pendant le tremblement de terre, Eric Powell, le créateur de The Goon. Non. Qui venait faire coucou. Et donc qui a été réquisitionné pour secouer des rayons. D'accord. The Goon... Je te laisse en parler, parce que j'ai pas lu The Goon, moi. En fait, ce que j'allais dire, The Goon, que je suis en train de découvrir. Mm-hmm. Parce que j'avais jamais lu The Goon, et Delcourt est en train de rééditer l'intégrale dans des gros tomes énormes que je suis en train, du coup, de découvrir. C'est génial. C'est génial. C'est de l'histoire fantastique, orientée Lovecraft, sur un docker, donc le Goon, qui vit des aventures avec son pote. C'est un duo farfelu à la Calvin et Hobbes, sauf que c'est dans un univers Lovecraftien. Alors dit comme ça, je sais, c'est bizarre. Non, mais ça donne assez envie, dit comme ça. Mais c'est génial, vraiment. Et Bah, je sais pas si t'as déjà vu le style d'Eric Powell au niveau du dessin. Oui, visuel, visuellement, c'est très beau. Oh là là, c'est top. Mm. C'est top. C'est vraiment. Ça fait partie des trucs qu'il va falloir que je te fasse, lire. Mm. Bah, ça, j'aimerais bien les avoir, mais j'imagine que ça coûte une blinde. Bah, pas tellement. Pas tellement, parce qu'il me. Alors, pour l'instant, Delcourt les édite au rythme de un tome par an, mais c'est des gros, gros tomes. Ouais. De un tome par an, et il me semble que le tome est à 35 ou 39 euros. Oui, ça va, si c'est des gros tomes. Ouais. Quand même, ça va. Bah, chaque tome doit regrouper peut-être 3 à 4 tomes format simple. Ouais, donc on est sur du bien gros pavé, ouais. Il me semble que c'est 34 ou 39 euros le tome. C'est vraiment... Moi-même, quand j'ai vu le prix de la réédition, j'ai dit « Oh, bah, c'est pas cher. » Bon, bah, pourquoi pas me laisser tenter un jour, effectivement. Mais ouais, The Goon, là, c'est chouette, là, ce que je suis en train de découvrir. Et ça faisait longtemps qu'il fallait que je me les fasse. D'accord. Alors, ensuite, on va passer un peu au... dernière personne impliquée dans ce qu'on voit à l'écran directement, il y a les toiles peintes par David, qui est donc un peintre d'affiches de films. Elles sont l'œuvre de Drew Struzan, qui est un dessinateur d'affiches ultra célèbre, puisqu'il a fait des affiches pour les Star Wars, les Indiana Jones, pour The Thing, et puis c'est des affiches qui ont souvent été reprises en France, donc je pense que vous avez forcément vu des affiches de Drew Struzan. Oui, c'est des affiches magnifiques. Ouais. D'ailleurs, il y en a plusieurs des vraies affiches de Struzan dans l'atelier de David. On peut voir celle de The Thing, qui est celle que j'ai le plus remarquée parce que je la connais très bien. Mais il y a aussi celle des Évadés, de la Ligne Verte et du Labyrinthe de Pan en fond. Et celle que, David, du coup, est en train de peindre dans le film, c'est le Pistolero. C'est ça, le Pistolero de la Tour Sombre, Roland. On est bien d'accord. C'est ça. Et je me suis dit, chouette clin d'œil. Ouais, c'est ça. Bon, elle aurait pas pu être reprise pour le film qui a été fait finalement, puisque sur l'affiche, le Pistolero a une tête à la Clint Eastwood, comme dans la description de King, alors que dans le film, c'est Idris Elba. Et qui ressemble pas trop à Clint Eastwood, du coup. Voilà, c'est ça. Mais ça aurait été rigolo que ça donne envie. Ça aurait donné envie de le voir faire l'affiche, tu vois. Ouais. Et il a fait une affiche lui-même pour The Mist, mais qui n'a pas été utilisée lors de la promo, alors que je la trouve cool, son affiche de The Mist. Elle fait vieillotte, elle est sympa. Je sais pas si je l'ai vue. T'as le titre, en gros, en fait, en brume, une affiche surtout verte, et t'as une tête effrayée au-dessus, enfin, elle est jaune. J'ai pas dû la voir, tiens, faudrait que je cherche à ça. Mmh. Les effets spéciaux, donc on va mentionner pas tout le monde, mais on va mentionner quand même Darrell Pritchett, parce que c'est lui qui s'est occupé surtout de la brume. Et c'est bête à dire, mais c'est pas simple d'animer de la brume, non, en fait, parce que c'est des trucs au comportement en réalité pas aléatoire, mais qu'ils paraissent, en fait, qui dépendent d'un nombre de paramètres énormes, donc c'est toujours très compliqué à gérer ces machins-là au niveau effets spéciaux. Il reviendra sur The Walking Dead, il était déjà sur la Ligne Verte, j'imagine, pour la souris, pour certains plans. Et sinon, on a pu le voir sur Ghosts of Mars, Vampire, de Carpenter, Space Jam et USS Alabama, par exemple. Space Jam ? Ouais. Pardon ? Ouais. Alors, il y en a qui ont des CV pourris, il y en a qui ont des bons CV, et il y en a des fois, il y a une petite tâche, comme ça. Oui, c'est un peu, un tout petit peu un truc d'enfance. J'arrive pas à détester Space Jam. Non, c'est nul à yéf. Non, c'est pas bien, mais j'arrive pas à le détester. Je pense que le 2, si je le voyais, je le haïrais, par contre. Ah bah, j'ai prévu de le voir, et à mon avis, ça va être... Ouais, tu me tiendras au courant, je ramènerai des bières. Ah, on pourrait se le faire, ouais, tiens, ensemble. Ah oui, tiens, juste après, ça te fait Spirou. On se tire une balle. Ouais. Les effets spéciaux, le nom de la société est un peu rigolo, dans la mesure où c'est un film de Darabont, c'est la société Café FX. Comme John Café, mais ça s'écrit pas pareil. Parce que ça s'écrit comme la boisson cette fois-ci. Une compagnie qui a travaillé notamment sur Hellboy et le Labyrinthe de Pan, c'est Del Toro en fait qui a conseillé à Darabont d'aller vers eux. Un bon conseil. Ouais. C'est vrai que dans le Labyrinthe de Pan et Hellboy, les effets sont magnifiques. Ouais. Bah la créature là qui a les yeux dans la main. Là. Ouais. Oh. Ouais, mais elles sont toutes folles dans le Labyrinthe de Pan, je trouve, les créatures. Encore aujourd'hui, elle a fait flipper ça. Hein, Et il a aussi bossé sur des effets pour Aviator, Captain Sky et le Monde de Demain, ouais. Qui est très longué, mais qui est pas nul comme film. Ouais, qui est un petit film, c'est un film sympathique. Ça aurait pu avoir un bon potentiel, on va dire. Voilà. Mais Il a une photo très bizarre. Ouais, ouais, la photo est vraiment chelou. Il a une photo à la Zack Snyder, c'est étrange. Il a aussi bossé sur Zathura, que je n'ai pas vu, mais que Ah bah j'ai vu il y a pas longtemps. Mal, visuellement. Je l'ai vu il y a pas longtemps, Zathura, c'est par l'auteur de Jumanji. Ouais, c'est ça. C'est réalisé par John Favreau. Ouais. Je pense que, enfant, ça passe. Il y a des moments qui sont sympathiques. Il y a des effets visuels qui sont très intéressants. Notamment, à un moment, ils se font attaquer par une race extraterrestre d'hommes lézards. Ils sont vraiment bien faits, eux, pour le coup. Mais voilà, c'est pas fifou, quoi. Mais je pense que quand t'as 8-10 ans, je pense que c'est un bon petit truc. À voir en même temps que Jumanji. Parce que typiquement, c'est pareil, hein, Jumanji... On est nombreux à avoir des bons souvenirs, je l'ai revu il n'y a pas très très longtemps, une fois que t'es adulte, tu te dis... Oui, je pense pas que ça ait super bien vieilli, ouais. Ça n'a pas très très bien vieilli, et notamment les effets spéciaux aujourd'hui, tu fais ouf, pique les yeux. Donc c'est une société qui a aussi travaillé sur les Trois Royaumes de John Woo, sur Shutter Island, Iron Man, des serpents dans l'avion, le King Kong de Peter Jackson, ouais. Et Speed Racer. D'accord, bah ça va, des bons films ensemble. Oui, voilà. Tellement cool, des serpents dans la vue. Ouais, très très fun. Bon, c'est le Samuel Jackson Show, hein, mais c'est pour oui, ça qu'on le regarde. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a été le voir. Et le compositeur de la BO, c'est Mark Isham, qui est un compositeur qui a fait des musiques d'orchestre, des albums divers, mais qui est surtout actif au cinéma. Des albums d'été. Ouais, merci. C'est lui qui a fait la BO de « Et au milieu coule une rivière », par exemple, et de « Cuisse chaude », les deux de Robert Redford, « Des souris et des hommes » de Gary Sinise, « Blade », le premier, de Stephen Norrington, « Le Dahlia noir » de Palma, « Bad Lieutenant » de Herzog, et très récemment, « Un talent en or massif » de Tom Gornican, le film où Nicolas Cage joue son propre rôle. D'accord. C'est un compositeur duquel je suis peu familier, en fait, je connais mal. J'en ai écouté certaines que je trouve sympas. La BO de The Blade, dans mon souvenir, est très sympa. Et celle de Un talent en or massif, je l'aime vraiment bien. Sur The Mist, en fait, il fait une BO assez courte. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pistes composées par Mark Isham. Ça remplit même pas 20 minutes, je crois, sur l'album. Il n'y a pas beaucoup de musique. Il hein. y en a très peu. Et c'est surtout des musiques d'ambiance très en retrait. Desquels j'ai pas grand chose à dire au final. Alors que vu les circonstances, il aurait pu se contenter de faire de la musique de supermarché. Ça aurait pu être drôle de vraiment tout mettre à de la musique de supermarché. Le seul moment en fait où la musique est mise en avant dans le film, c'est la fin pour toute la période de sortie dans la brume des personnages. Sauf que là, c'est pas une musique originale, c'est un peu réadapté pour que ça colle niveau timing, mais c'est le morceau The Host of Seraphim. Du groupe Dead Can Dance, que Darabon trouvait que ça ressemblait un peu à un requiem pour l'humanité. Donc Dead Can Dance, enfin déjà je trouve le morceau superbe, et globalement Dead Can Dance, je vous conseille beaucoup ce groupe, et l'album dont est issu ce morceau, c'est Serpent's Egg, et c'est un excellent album. Le morceau est superbe, mais dans la circonstance de la séquence dans le film, je trouve ça un peu confus. Oui, bah ça va pas avec le reste en fait. Avec le reste de l'ambiance du film. Ah oui. Mais voilà, écoutez du Dead Can Dance, alors je n'ai jamais testé, mais j'ai un pote qui recommandait de se mettre un album de Dead Can Dance après avoir fumé un bon gros pétard. Voilà. D'accord. Parce que visiblement, c'est vrai que c'est une musique très planante, très musique du monde, je veux bien concevoir le lien, ouais. Alors, au cas où vous doutiez qu'on était un podcast de gauche... Ouais, voilà, non mais... C'est ça. Maintenant vous avez la confirmation. Du coup maintenant je suis en train de m'imaginer The Mist avec des musiques de supermarché. Ça aurait été rigolo, genre en pleine attaque des ptérodactyles, là, le petit message toutou, nous informons que notre magasin va s'adapter aux personnes souffrant de troubles et diminuera la luminosité une heure par jour. Le bruit de la luminosité va être restreint pendant l'attaque. Ça serait rigolo. Avec les 4 saisons de Vivaldi en boucle, tu sais. On pourrait faire un remake de ce réisoler les pistes son, ouais. Oui, on vire juste le son, on met que des annonces. Une promotion vous attend dans votre rayon su et votre rayon boucherie. Tout est bon dans le cochon. Ah oui, puis tu mets un truc comme ça pendant la scène où c'est le boucher qui bute l'autre à la fin. Là. Oui. Rayon boucherie et promotion. Tellement de possibilités. Ah ouais, mais faisons ça. Le film sort le 21 novembre 2007 aux États-Unis et au Canada. Il rapporte 25,5 millions de dollars sur ces deux territoires, donc c'est pas mal pour un film qui a un budget de 8. Et il rapporte 27,5 millions à l'international. Par contre, en France, il fait plutôt un flop avec 33 260 entrées. D'accord. Bon, après, je sais pas pour combien de copies, mais c'est quand même pas beaucoup. Moi et Sam, j'y étais, dans la salle. Donc, où est-ce que tu étais, toi, ce jour-là? Bah, pas dans la salle, et j'en suis bien content. Tu n'as pas participé à donner de l'argent à Darabou. La réception critique va entre le bon et le mitigé, certaines critiques trouvant dans les reproches en fait que le côté série B marche, mais que c'est pas forcément le cas de la caractérisation des personnages et de l'aspect dramatique, et que du coup c'était un peu longué. Marcia Gay O'Harden, donc Mrs. Carbondy, reçoit le Saturn Award de la meilleure actrice dans un second rôle, et il était nommé aussi pour la même cérémonie, pour le meilleur film d'horreur et le meilleur réalisateur. Actuellement, le film a 3,5 étoiles sur Allociné, ce qui le place 8e entre Dr. Sleep, Sa chapitre 1 et Les Langoliers au-dessus, et La Tempête du siècle en dessous, et 72% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 11e entre Creepshow et Christine. Et bah, c'est un film qui a un petit statut culte parce que, en faisant les recherches, j'ai vu que sur une liste de Bloody Disgusting, il était classé 4e meilleur film d'horreur de la décennie, donc les années 2000 jusqu'à 2010. Ah oui, de la décennie carrément. Ouais, devant il y a The Descent, que je n'ai pas vu, je crois. Ah, il est bien, The Descent. Faut que je le voie. Shaun of the Dead et Morse. Ouais. J'ai toujours du mal à classer Shaun of the Dead en. Catégorie horreur, mais il y a les zombies, donc on va dire oui. Ouais, pour moi c'est quand même plus une comédie qu'un film d'horreur. Comédie horrifique. C'est même plus un film romantique qu'un film horrifique. En fait, c'est beaucoup de trucs, Shaun of the Dead, c'est un peu ça le problème. Non mais vraiment, ça n'a rien d'horrifique, Shaun of the Dead. Il y a des zombies, d'accord, mais bon. Ça joue avec les codes. Oui, ça on est d'accord. Puis il y a quand même 2-3 scènes de mort qui sont pas si drôle que ça. Oui, mais de là à le mettre dans un classement de films horrifiques. Oui, je suis d'accord. Voilà. Mais bon, faut avoir une définition large de l'horreur, on va dire. Par contre, The Descent, je sais que c'en est un, faut vraiment que je le vois. Et Morse, c'en est clairement un. Oui. Même si c'est aussi un film romantique, d'ailleurs, Morse. Oui. Bloody Disgusting, justifie ça en disant qu'il trouve la dimension politique du film très réussie. IndieWire en 2014 le met 17e meilleur film du siècle. Bon, bah après le siècle, on est commencé. Voilà. Et il est même sur une liste des meilleurs films d'horreur de tous les temps, mais là j'ai pas trouvé la place. Dans le Daily Telegraph et Time Out. Ah oui, il y en a, ils s'enflamment un peu quand même, ouais. Tous les temps. Ouais, ils se sentent un peu plus pissés. Alors moi j'aime bien le film, mais quand même. Et lors de l'exploitation vidéo, le film va sortir dans une version noir et blanc que Darabon dit préférer. Et alors c'est rigolo parce que dans la postface à Brume, King, comme dans tous les recueils de nouvelles, parle un peu de l'origine story de l'histoire, et il dit qu'effectivement The Mist, c'est une histoire qu'il imagine plutôt en noir et blanc, un peu à l'ancienne. Et Darabon, lui, il a un argument que je trouve intéressant, c'est que pour lui, le noir et blanc, ça rend ça irréaliste, et donc ça ancre le film comme étant un film, comme étant une, pas la réalité, mais un autre monde. Oui. Et il trouvait ça intéressant. Et on va y revenir, effectivement, ça change quand même pas mal l'ambiance et la perception du film, je trouve. Ouais. Mais donc, c'est tout ce que j'ai à en dire. King le liste toujours dans ses adaptations préférées de son œuvre. Bien. Voilà la vérité. Alors, cette brume, je sais pas ce que c'est. Mais elle contient des choses très dangereuses. Dan a raison. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Quel genre de choses ? Je n'ai rien vu, c'est arrivé bien trop vite et j'ai été étourdi. Vous avez vu qu'à 5, on est allé de ce côté dans la réserve. Jim, Myron, Holly, moi, et Norm qui fait vos paquets. On a ouvert le rideau de fer pour que Norm puisse sortir nettoyer la bouche des rations du générateur. Et de cette brume, une chose est venue l'attraper. L'attraper ? Qui l'a attrapé ? Cette chose l'a tué, l'a pris, traîné hors de vue. Écoutez-moi. Je n'ai aucune idée de ce qui se cache là-dedans. On n'a vu que des tentacules. Des tentacules, ah ouais. Tentacules de la planète X. Ouais, c'est ça, il ment. Toutes ces belles personnes sont que Des lâches et des menteurs. Des belles foutaises. Bien sûr qu'ils mentent, c'est n'importe quoi, c'est de la folie. Vous savez où elles sont, leurs tentacules? Dans leurs canettes de bière. Écoute, Bud, si tout ce qu'on dit est faux, va voir. Et on va pouvoir passer à nos avis. Je t'en prie. Alors, Issam, pour moi, The Mist, c'est le meilleur film de l'univers. Non, mais... Et en deux, il y a Spider-Man No Way Home, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, The Mist. Alors, déjà, c'est la première fois où on va pas être d'accord. Et c'est beau. Ouais. Parce que comme quoi, ça arrive. Ne spoil pas trop. Ouais. Non, mais tu l'as déjà sous-entendu, oui. Arrête. Oui. Mais c'est des sous-entendus, c'est des petits trucs. Alors, pour les fans. C'est un film que moi j'apprécie. Mais, oui, je suis d'accord, les potards sont poussés à donf. Genre sur le cliché des personnages et tout. Mm-hmm. C'est poussé, mais au maximum. Mais, il y a un habillage, déjà. C'est-à-dire tout ce qui est... Oui, bah, ils sont pas à poil. Hein. L'habillage du film, ouais. Bah, avec cette ambiance, cette réalisation, qu'il n'y a pas dans le roman, qui font... que du coup, j'arrive à passer outre tous ces clichés qui sont à donf. Les scènes qui, dans la nouvelle, me passaient un peu par-dessus la tête, où je me disais, bon, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas fou, là, dans le film, je les trouve vraiment réussies, elles ont un véritable effet de tension sur moi. Par exemple, typiquement la scène de la corde, où il relie un mec avec une corde, et lui, il doit aller chercher un fusil à pompe là, dans la bagnole, et où on voit du coup la corde qui, tout d'un coup, s'agite, se met à monter en haut, c'est qui fait des allers-retours sur la gauche, sur la droite, et tout d'un coup qui s'écroule. Et quand le personnage la ramène, que tu vois qu'elle commence à être tachetée de sang, pour ensuite n'être que recouverte de sang, la tension elle fonctionne vraiment chez moi sur cette scène-là. Alors que dans le roman, on... ouais, c'était vite fait quoi, c'était pas extraordinaire. Et en fait, toutes les scènes où vraiment dans la nouvelle, je me suis dit ouais, bon, pourrait être mieux, dans le film elle fonctionne, je trouve. L'attaque des araignées, il y a une vraie tension dans la scène, je trouve. Non, mais je te laisse finir ton avis. Hein. Je vois ta tête là. Je vais t'envoyer. Est-ce que je vais t'envoyer le savane dans la tronche? Ça, les gens savent qu'on en a réduit à manger du savane dans cette émission. Parce que c'est ça la gauche, messieurs dames. Faut que j'arrête. Mais oui, je sais que. Enfin, c'est pas que je le sais, c'est que je le reconnais. Que les clichés sont n'importe quoi, que les personnages sont cons comme des balais. Le personnage principal est moins odieux que dans la nouvelle. Ça je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mm-hmm. Parce que le côté, il défend son fils ad vitam aeternam, est beaucoup plus poussé que dans la nouvelle, je trouve. Parce que dans la nouvelle, t'as toute cette partie aussi avec la tromperie qu'il fait à sa femme. Donc tu te demandes au final, mais t'es là, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu protèges ton fils ou tu vas faire des coucheries à droite à gauche? C'est un peu la fin du monde, mec, réveille-toi. Mais moi, c'est un film que j'aime bien. C'est un film qui fonctionne bien sur moi et je trouve que les séquences horrifiques sont plutôt réussies. Je te donne la parole. Moi, c'est un film... J'ai eu l'espoir au début... J'avais gardé un mauvais souvenir de mon premier visionnage et j'ai eu l'espoir au début de ce revisionnage parce que on m'avait envoyé la version noir et blanc, justement, qui n'est pas sur toutes les éditions super physiques qu'on a. Elle n'est pas sur la mienne, par exemple. Elle n'est pas sur la tienne. Donc je remercie Punky pour ça. Et effectivement, ça apporte un vrai plus, ça change l'ambiance. Je trouve que ça donne plus de poids à la brume, ça donne quelque chose de plus lourd, de plus angoissant. Donc je me suis dit, peut-être que cette fois-ci, je vais passer un meilleur moment, je vais réussir, bah, un peu comme toi en fait, à dépasser l'aspect cliché pour apprécier le truc. Je te rejoins aussi sur le fait qu'il y a certaines scènes de tension, dont celle avec les araignées, qui fonctionnent. Mais les personnages, ça passe pas. En fait, le truc, c'est que c'est un peu l'inverse de toi, moi, pour le coup. Dans le roman, dans la nouvelle, ça passe vite, donc ils sont clichés, ça m'agace un peu, mais ça va. Là, que ce soit des vrais acteurs qui les jouent, au bout d'une demi-heure, vraiment, je n'en peux plus. Et vraiment, ça a été, au bout d'une demi-heure, c'est devenu peu à peu de plus en plus dur de me concentrer sur le film, parce que j'avais vraiment juste envie qu'il crève, en fait, j'en pouvais plus. Je l'ai détesté. Ils crèvent tous, de toute façon, donc t'es servi. Ah, j'étais content. Bon bah du coup, le film te donne ce que tu voulais, donc du coup... D'une certaine façon, oui. Bah, t'aimes bien, alors. Mais c'est vraiment... Ouais, en fait, malgré toutes les qualités, en plus, je trouve vraiment la réalisation intéressante, avec le côté très nerveux, ouais. Ça apporte plein de choses. mais j'arrive pas à entrer dedans, et le souci c'est que bah, ça fait quand même un peu baisser le poids des scènes de tension, par exemple toute l'attaque dans le supermarché, comme j'en ai pas grand chose à faire des personnages, bah, j'ai du mal à m'impliquer dedans. Alors pour le coup, l'attaque du supermarché, je la trouve un peu brouillonne, clairement. Ouais, mais à la limite ça c'est intéressant, tu vois, presque. Bah, un peu brouillonne con, parce que ouais. T'as des personnages qui gueulent qu'il faut éteindre la lumière, et t'as l'autre con, là, il va rallumer des gros projos. Tu sais, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, pour voir, pour se battre, c'est pas entièrement incohérent. Oui, mais du coup, c'est bizarre. Parce que t'en as qui gueulent, enfin, l'autre, il gueule des ordres qu'il faut les éteindre, et puis l'autre, il va tout rallumer. Bah, après, ça, c'est juste dans l'intention, on respecte plus les ordres. Ça, à la limite, tu vois, je peux comprendre. C'est juste que vraiment, ces personnages-là, j'y suis pas attaché. Ouais, c'est. Y a... Mais après, tout les personnages sont un peu développés. Ouais. Faut dire ce qui est. D'où le manque d'attachement. Tout me gonfle, tout le Mrs. Carbody Show, je le trouve insupportable. Bah là, le problème est le même que dans la nouvelle, ça va trop vite. Ouais. C'est juste que c'est en deux jours, bon, c'est... Moi, je suis comme toi, j'ai plus confiance en l'humanité, bon, je pense qu'en deux jours, c'est un peu rapide. Ouais, c'est ça, donc... Pour passer de « Oh, elle est folle » à « Oh, c'est notre nouvelle déesse », bon, ça va un peu vite, quoi. Même dès le début, les autres qui se la jouent fier à bras dans le garage, on va sortir, il y avait eu un mec qui arrivait en sang de la brume, quand il s'agissait de raccompagner une dame chez elle, il n'y en avait aucun de vous qui sortait, deux minutes plus tard, vous êtes prêt à sortir pour allumer la lumière, c'est pas cohérent, ça marche pas, enfin... Donc ouais, malgré ses qualités, indéniables, au niveau formel on va dire, bah, le film est une adaptation fidèle, oui. Et du coup, bah, les défauts de la nouvelle, je les retrouve en x10. Oui, on est d'accord, les défauts sont bien présents. Et on reviendra sur la fin, effectivement, elle est un peu trop pompeuse pour déjà par rapport au reste, même si la séquence dans la brume, visuellement, les créatures sont magnifiques. Enfin, il y a des plans que je trouve vraiment superbes. Le passage avec la créature énorme, là. Ouais. Celui-là est terrible. Je suis pas fan du jeu, je trouve que le jeu est inégal. Peut-être à cause du tournage rapide, mais je trouve pas toujours ça dingue. Elle a beau être insupportable, moi je trouve que Cardoni joue bien. Enfin, elle met de l'énergie, après comme je trouve son personnage du coup pas crédible, pas très bien écrit et trop cliché, j'ai du mal à dire qu'elle joue bien, elle s'en sort bien avec ce qu'elle a. Quoi. L'acteur principal, je trouve, manque de charisme. Ouais. Parce qu'il joue le père, manque de charisme, clairement. Ouais, déjà dans John Catcher, c'est cool. Voilà, c'est ça. Le voisin, j'aime bien l'acteur, mais est-ce que c'est parce que j'ai de la sympathie pour lui, parce que j'aime beaucoup Brooklyn Nine-Nine? Non, pour le coup, moi aussi, il s'en sortait bien, alors que Brooklyn Nine-Nine, m'en fous. C'est très bien, Brooklyn Nine-Nine. Il paraît, mais j'ai tenté une fois, je trouve pas ça drôle. Oh, qu'est-ce qu'il raconte? Yul Savan. Mais il est bien dans Doctor House, lui aussi. Il joue dans Doctor House. C'est dans la saison 3, il joue le gros riche qui veut racheter l'hôpital si on vire House. Ah, mais oui! Oui, donc il a un rôle de bon gros connard aussi. Oui, bah, oui, là, c'est ce qu'il a joué dans sa carrière, j'ai l'impression. Pas dans Brooklyn Nine-Nine, si? Bah, il est connard, oui et non. C'est juste que il joue un personnage qui n'a pas trop d'émotion. Ouais. Donc, des fois, il agit comme un connard, et des fois, non. Mais parce que, vu qu'il n'a pas vraiment d'émotion, enfin, il ne sait pas trop comment se placer. Ouais. Émotionnellement parlant, en fait. Donc, bon, le jeu est... Puis ben, on en parlera peut-être plus en détail un peu après, mais le message de la fin, moi, me pose problème. Alors, la fin, pour moi, elle aura dû... Déjà, le passage où on voit la femme qui est sortie pour aller récupérer son enfant, qu'on voit qu'elle est vivante, ça c'est trop. Ouais. Ça, pour moi, ça aurait pas dû être là. Ouais, effectivement, c'était pour laisser une touche d'espoir, j'imagine, mais... C'est assez irréaliste, en fait. C'est comme la musique, c'est pompeux, c'est irréaliste, parce que, bah, comment ça, tout le monde crève dans la brume, mais elle aurait survécu. Mm. Ça, c'est en trop pour moi. Pour moi, ça aurait dû s'arrêter au moment où il sort, la brume se retire, et c'est fini. C'est là que ça aurait dû s'arrêter, en fait, pour moi. On n'aurait même pas dû voir les militaires arriver ou quoi. Parce que même ça, du coup, ça donne une explication à la brume, et c'est bidon. Ouais, bon, à la limite, là, c'est juste les militaires qui éloignent la brume, donc... Oui, ça donne trop une explication, mais ça va encore. Alors pour moi, je le vis pas comme les militaires éloignent la brume. Pour moi, c'est... On est au bout de la brume. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la brume continue son chemin, c'est juste que les militaires, ils sont derrière. Et du coup, ils sont derrière pour éradiquer les blessures qui restent en dehors de la brume, mais la brume, elle continue, en fait. Oui, la brume est un nuage qui... qui va continuer sa route à vitam aeternam, pourquoi il se dilue pas? Hein? Pourquoi il se dilue pas? Bah ça, je sais pas, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. Ouais. C'est comme ça que je vois la scène. La brume, elle est là, et en fait, elle va continuer son chemin... Ah oui, tandis que moi, j'étais dans le petit, peut-être qu'elle va disparaître... Après... Bon, en même temps, je m'en tape. Après, vu qu'il n'y a pas d'explication... Oui. Tu peux avoir raison, je peux avoir raison, comme tout le monde, on peut avoir tort. Voilà, vu qu'il n'y a pas d'explication, c'est... Là... Et justement, c'est pour ça que pour moi, ça aurait dû s'arrêter là. Parce que ça permet, chacun se fait son histoire, alors que là, du coup, ça met trop de points d'interrogation sans réponse. En fait, ça veut apporter des réponses, mais au final, ça te met des nouvelles questions qui, elles, du coup, n'en auront jamais de réponse. Ouais, et puis je trouve que ça soulève le problème de... Bah, qu'au final, c'est Miss Carmoni qui a raison pendant tout le film. Et à plusieurs reprises, parce que déjà, dans l'ordre de l'attaque, il y a un insecte qui lui monte dessus et qui ne la tue pas. À la fin, c'est son clan, ses fidèles qui vont être sauvés, même si elle s'est fait tirer dessus, donc ça devient une martyre. La mère qui survit avec son, en allant chercher ses enfants, on peut aussi prendre ça comme une sorte de message, c'est la personne morale, la personne pure et chrétienne qui veut faire une bonne action, alors que les autres sont tous des lâches qui va survivre. Je trouve le message chelou. Passablement malsain. Il y a aussi du coup la jeune fille qui a une relation avec le militaire, donc du coup tu peux interpréter ça, relation hors mariage, du coup elle se fait tuer par une créature. Ouais, c'est ça, en fait je trouve qu'il y a un message très conservateur dont je doute pourtant que ce soit le point de vue de Darabon et encore plus de King, ça, on sait même que ça n'est pas. En fait c'est un... D'ailleurs j'ai eu un peu d'éclaircissement dans une interview de King au sujet de The Mist où il disait qu'il était croyant mais qu'il n'avait pas mis les pieds dans une église depuis une éternité. Voilà. Il est croyant mais pas pratiquant. Ouais. En fait, par certains côtés, ça rappelle un peu les vieux slashers, avec cette thématique inhérente aux slashers où dès que tu vois un personnage qui pratique l'acte sexuel, tu sais qu'il va mourir dans les 10 minutes qui suivent. Ça a ce côté-là, en fait. Bah les fautes sont punies, mais du coup, Carmody, qui est une représentante très radicale de la religion, bah au final, est-ce qu'elle est critiquée ou est-ce qu'il faut se comporter comme ça pour amener les brebis égarées Elle est abattue à la fin. Oui. Ouais, mais elle est abattue par un personnage qui, du coup, va mourir lui-même. C'est ça le problème. Punie. Donc, si ça se trouve, il faut voir ça comme un sacrifice. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle est, elle est abattue par Oli qui meurt directement après, en plus. Ouais. Donc, vraiment, tu peux interpréter et ça tous les comme personnages une vont de mourir, brume. Tu peux prendre la fin comme un message un peu chelou sur le suicide. Moi, j'ai vraiment un problème. Mais du coup, c'est en fait. C'est... Avec cette fin. Alors que, clairement, on sait que c'est pas la volonté de Darabon de... Ouais, c'est ça, mais du coup, ils ont tellement mal pas amené. Assez réfléchi à ce qu'ils voulaient dire, à ce que signifiait leur fin. Or, c'est important, la fin d'un récit. Parce que c'est mal amené, tout simplement. Effectivement, un problème qui se pose régulièrement dans le slasher, ou qu'est-ce qu'on veut dire à travers son méchant. Et à ce niveau-là, il faut gérer des trucs. Parce que oui, le truc, c'est que dans une œuvre de cinéma... Les choses s'interprètent. Donc il faut se poser des questions sur l'interprétation que le public peut avoir de son œuvre. On avait eu d'ailleurs, je crois, en off, même des débats sur. Ou alors c'était avec quelqu'un d'autre, mais sur Grave, dont pour moi la fin aussi pose totalement problème au niveau du message que veut faire passer le film. Mais bon. C'était avec moi. Mais typiquement, c'est aussi le genre de. En fait, ce film-là revient souvent, c'est Scarface. Oui. Le nombre de gens qui interprètent mal Scarface. Ouais. Qui se disent que, oh bah, regardez, c'est trop cool ce qu'il vit, le personnage d'Al Pacino. C'est trop cool ce qu'il vit, regardez, il a plein de potes. Mais les gars, à la fin du film, il meurt en ayant sacrifié son meilleur ami. Ouais. Et du coup, en ayant ruiné la vie de sa sœur, en ayant ruiné toute sa famille. Il n'y a rien. Gros sous-entendu incestueux avec sa sœur. Il n'y a rien d'ambitieux dans ce qu'il a. Enfin, il n'y a rien de glorieux dans ce que vit Tony Montana dans Scarface. Bah, je crois que c'est la scène finale où il est... En fait, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui prennent la scène finale où il est complètement cocaïné, avec son espèce de grosse mitraillette ultra phallique, d'ailleurs. Ils prennent ça comme un geste héroïque. Ils prennent ça comme une héroïsation, alors que moi, je trouve que c'est le summum du minable, quoi. C'est l'espèce de gros beauf complètement défoncé, qui a une bite à la main parce qu'il n'arrive pas à faire à le faire avec la vraie et qui tire sur tout ce qui bouge et qui se fait abattre, mais vraiment de manière minable en plus, il se fait tirer dessus dans le dos. Et puis clairement c'est le message de. C'est le message de Coppola. De Palma, ouais. De Palma, c'est le message. Mmh. Donc je comprends pas les gens qui se disent c'est trop cool ce qu'il vit. Bah oui. Non en fait, c'est pas trop cool. Si tu te dis ça en regardant Scarface, c'est que tu n'as pas compris ce que tu as vu. Mmh. Et c'est le cas, mais c'est le cas de plein de films. Hein. Oui. Des gens qui comprennent pas. Soit qui comprennent pas, ou alors qui sur-idéalisent ce qu'ils voient. Et oui, du coup, ça peut donner lieu à des messages dangereux. Ouais. C'est comme les gens qui vont dire, mais c'est de la comédie, mais non. Une blague raciste, ça reste une blague raciste. Comédie ou pas, ça sera une blague raciste. Oui, bah oui, c'est ça. C'est... Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Ça, on avait un autre projet de podcast pour parler de ça, et il faudrait vraiment réussir à mettre en place. Ah oui, oui. Il y a des choses à dire là-dessus. Ça pourrait être pas mal. Mm. Et voilà, il faut arrêter les conneries au bout d'un moment, merde. Et donc voilà, bah, dans The Mist, moi, le message final, je trouve qu'il pose problème probablement involontairement, parce que vraiment, je pense que Darabont comme King ont des bonnes intentions, mais ça pose problème quand même. Je vois pas comment tu peux avoir des mauvaises intentions quand t'as réalisé Rien que les évadés. Oui, c'est ça. C'est... Les évadés, la ligne verte, ça me paraît compliqué d'avoir d'avoir des idées un peu nauséabondes. Après, des idées nauséabondes, tu peux les avoir, tu peux les gagner avec le temps. Ça peut arriver. Oui, peut-être, mais... Et 30 000 heures, voilà. Il a toujours été un peu orienté à droite, mais depuis le 11 septembre, bam, c'est extrême droite à Donf. Il paraît qu'il revient un peu moins à l'extrême droite maintenant. Ah bon, je sais pas. Je sais plus qui me disait ça. J'ai pas trop suivi. Il est passé de néo-nazi à l'extrême droite qui est traditionnelle. Moi, Frank Miller, non, c'est quelqu'un qui ne m'intéresse plus. Mm. Moi, à partir du moment où tu tiens des propos fascistes, tu ne m'intéresses plus. Donc, je ne suis plus en travail. Basta. Tu auras beau essayer de faire un mea culpa et revenir. Non, c'est trop tard. Ça aura fait quand même beaucoup de mal à ce niveau-là, le 11 septembre. Hein. C'est peut-être l'effet le plus durable que ça a eu, quand même. Mm. Ah, clairement. Après, du coup, ça nous a permis de savoir qui sont les auteurs à ne plus suivre. Ouais. Des fois, c'est les événements un peu mondiaux, comme ça, ça te permet de savoir qui sont les cons. Ouais. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai l'impression que limite King, en fait, je sais pas si c'est lié au 11 septembre, je suis pas sûr, mais qu'il se gauchise un peu avec le temps. Et lui, par contre, oui, c'est l'effet inverse. Il est de plus en plus conscient de plein de trucs. Et, je pense que lui. Un peu rigolo. Je pense que lui, ce qui l'a vraiment poussé encore plus à l'extrême, c'est l'élection de Trump. Ouais, il l'a poussé encore plus vers l'extrême gauche. Enfin, l'extrême gauche à l'américaine, hein, faut pas exagérer. Oui, d'accord. Mais ouais. Et je pense que d'ici quelques années, King il va balancer des punchlines dans la gueule d'Elon Musk. Hein. Oh, c'est possible. Ça va arriver, lui. Ouais. Hein, parce que Elon Musk, lui, commence à se radicaliser à droite, là. Bientôt, ça va y aller. Pire en pire, lui aussi. Elon Musk, vraiment, plus ça passe, plus c'est le méchant de James Bond idéal. Hein. Au bout d'un moment, il va falloir se pencher sur son cas, parce qu'il devient dangereux, lui aussi. Ouais, et puis il est surpuissant, surtout. Voilà. Qu'est-ce qui vous arrive, enfin? Vous ne croyez plus en Dieu? Personne ne se mêle de vos affaires. On veut juste que vous nous accordiez le même privilège. Vous l'entendez? Ce sont ces personnes qui provoquent ce qui nous arrive. Ces personnes qui refusent de se plier à la volonté du Seigneur et qui appellent ça un privilège. Ils sont sans morale. Oui, hautains, privilégiés. Ils se moquent de nous, de notre Dieu. Ils se moquent de notre foi, de nos valeurs. De notre façon de vivre, ils se moquent de notre humilité, de notre piété. Ils pissent sur nous, ces larves. Il faudra bien que le sang humain du sacrifice montre comme ils sont impurs, que le sang de l'expiation coule de leurs veines. T'as pas intérêt! Putain, t'as pas intérêt! Allez, viens! Il nous faut l'enfant blond. Approche-toi. L'enfant blond. Allez. Donnez-nous le garçon. Ouais, je vais, putain. Donnez-nous ce garçon. Allez. Attrapez le monde. Attrapez-le. David, aidez-moi. Poussez-vous. Attrapez l'enfant. Et attrapez aussi la pute. Attrapez-le, prenez-les. Tuez-les tous. Il est pas mal écrit après... Enfin, il est pas mal écrit, je veux dire, dans la succession des événements. Mmh. Si on oublie l'écriture des persos et le fait que ça se passe trop vite, tout coule plutôt bien, on va dire. Ouais. Mais... Les effets spéciaux sont loin d'être dégueux encore aujourd'hui. Ouais, il y en a deux, trois un peu moins réussis que d'autres, mais c'est loin d'être honteux, surtout avec 8 millions. Ouais, c'est ça. Il faut remettre le budget en place, mmh. surtout. Surtout quand tu te dis que c'est une majorité de numérique, du coup. Ouais. En fait... les grosses tentacules sont un peu dégueux au début. Oui. Et t'as la grosse bestiole qui bute Oli dans la brume. Bah elle est dans la brume, donc tu te dis, ils ont pas mis un énorme budget pour la faire. Elle rend un peu sale, quoi. Donc bon. Mais les insectes et les ptérodactyles et les araignées sont vraiment ultra bien faites. Ouais, ça pour le coup, y a rien à dire. J'imagine que c'est plus dur à faire un tentacule parce que ça s'agite de manière bizarre. Enfin. Ça doit être beaucoup plus de trucs à prendre en compte niveau polygone et compagnie, ouais. Je pense. C'est pour ça qu'à mon avis, ça c'est le genre de truc qui devrait plutôt être fait en animatronique. Au moins, t'es sûr de pas te planter, quoi. Ouais. Après, faut avoir le budget. Hein, bah, apparemment, c'est une histoire de budget. Ouais, c'était compliqué à faire en animatronique. Mmh. Bah, j'imagine bien, ouais. Mmh. Mais alors, je suis pas arachnophobe. Mais bon, les araignées, je suis comme tout le monde. Ah, moi, pour le coup, les araignées, j'ai vraiment du mal. Ouais. Moi, je suis pas arachnophobe, mais... Mmh. Si j'en vois une, je vais pas non plus être rassuré. Ouais. Genre, je vais pas quitter la pièce, mais si on a une dans la pièce, je vais quand même la regarder du coin de l'œil pour voir ce qu'elle fait, quoi. Voir vers où elle va. Tu vois, ça fait partie de ces animaux où t'es toujours un peu méfiant. Mmh. Tu vois, c'est comme les serpents. Tu vois que c'est une tête un peu fourbe. Tu fais, oh là, oh toi là, je veux te surveiller quand même, attention à ce que tu fais. Et la scène avec le policier militaire. Ouais. T'as les araignées qui lui sortent, qui commencent à lui sortir du corps et où il tombe. Oui, Capron, on peut supposer qu'elles ont pondu son corps. Il tombe et donc du coup, toute son arrière, tout son dos explose et t'as plein de petites araignées qui jaillissent. Oh, c'est... Ouais, ça, c'est... l'effet est vraiment bien fait. Ah, l'effet est terriblement bien fait et c'est dégueu, quoi. Alors, anecdote, un des animateurs, en fait, ils n'arrivaient pas à trouver dans leur banque de données des trucs satisfaisants pour les mouvements de l'araignée, pour s'inspirer de la vraie vie. Donc, il y a un animateur qui a chassé les araignées chez lui et qui a utilisé des verres grossissants et des trucs pour filmer des araignées chez lui. Voilà. Ah, ça s'amuse. Ouais. C'est bien. La vie d'animateur. et globalement, j'aime bien le design des monstres. Parce que ouais, ils sont vraiment cool. Effectivement, ils sont, comme tu disais, ils sont vraiment bien réfléchis comme étant des créatures qui pourraient exister dans un autre monde ou dans une autre dimension. Il y a une logique, en fait, derrière. Ouais. Genre l'insecte... Ils ont quelque chose de la vallée un peu dérangeante parce qu'ils ont une face un petit peu humaine. À un moment, t'en vois en gros plan et genre ils ont deux yeux comme ça, ils ont une espèce de bouche façon humaine. Et tu fais « Ah, c'est dégueu !» Ouais, à ce niveau-là, ça a bien été pensé. Le monster design, il y a vraiment pas grand-chose à redire. Mais donc oui, c'est un film auquel je vois les défauts. Mm-hmm. Mais les qualités me plaisent tellement en fait, parce qu'elles collent tellement au cinéma que j'aime. Donc au cinéma, vraiment de série B, grosses créatures et tout, que j'arrive à passer outre. Bah disons qu'il aurait fallu, moi je pense, pour que ça me plaise, que ce soit beaucoup plus cet aspect qui soit mis en avant, beaucoup plus d'attaque, beaucoup plus orienté action ou orienté moment de tension. Ouais, ou que ça dure moins longtemps, quoi. Ouais, qu'il n'y ait quasiment pas de moment entre les persos qui m'insupportent. Parce que effectivement, si j'aime pas les persos, mais que c'est toujours dans l'action, dans le mouvement, oui. Bah ça va, je fais abstraction, mais là... Oui. Parce qu'il y a des scènes qui sont vraiment mal amenées. La scène, il y a un moment, il y a une des femmes qui se réveille pas la nuit, tu comprends qu'elle s'est suicidée en bouffant tous ses cachets de Médoc là. Mm-hmm. Bah c'est mal amené quoi. C'est genre t'as l'amie du personnage principal, ouais. Qui veut la réveiller, elle se réveille pas, t'as la caméra qui se met sur ses cachets, tu comprends qu'elle s'est suicidée, et puis voilà. Ouais, c'est pas très bien amené quoi, si c'était pour faire ça, autant pas le faire. Et en fait, il y a plein de scènes comme ça qui sont pas amenées avec beaucoup d'intelligence ou de subtilité. Et c'est dommage, parce que bah, quand tu vois la ligne verte et les évanés, tu te dis « Bah merde, comment ça se fait ?» Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, en même temps, s'il avait fallu les amener plus finement, est-ce qu'il aurait pas fallu une heure de plus ? Je suis pas sûr de voir de ça. Hein. Alors, pour le coup, je pense que le problème vient surtout du temps de tournage, qui était très court et très rapide. Ouais. Je pense vraiment que le problème vient surtout de là. Du manque d'organisation... d'organisation peut-être pas, mais le manque de temps. Clairement, le tournage rapide comme ça, en un peu moins de 40 jours, c'est quand même... Ouais. Surtout pour un... Pour deux heures, oui, c'est peu, avec des effets spéciaux. Avec des effets spéciaux, un film qui a quand même beaucoup de figurants, parce qu'ils sont quand même une bonne trentaine dans le supermarché. Ça dépend des scènes, en fait. Ils sont plus nombreux, en réalité, mais dans la plupart des scènes, on n'en voit pas beaucoup. Mais ils sont plus nombreux que 30, je crois. Mais du coup, voilà, ça dépend. Il y a quand même pas mal de choses à gérer. Et je pense que le temps est quand même responsable de beaucoup de choses. Je pense, c'est possible. Après, il n'est pas responsable de l'écriture. Ouais, voilà, c'était là de base. Hein. Ça, c'est là de base, et Darabont a voulu, pour le coup, comme à son habitude, faire une adaptation fidèle. Oui. Peut-être un peu trop, pour le coup, pour certains points. Mais voilà. Après, il est meilleur dans la fidélité que Flanagan. Oui, parce qu'il est moins lourd. Oui. Il est moins lourd. Mm-hmm. Disons qu'au moins, il arrive à rendre. Parce que pour le coup, on est d'accord que la nouvelle n'a rien d'extraordinaire et le film est plus agréable que la nouvelle. En tout cas, pour moi. Ouais. Pour moi, ouais, non, il est pire. Ah bon, carrément ? Ouais. Vraiment, je peux pas les personnages. Je pense qu'il va falloir passer à un descriptif de scène et puis après, on va faire le classement. Ouais, c'est ça. On y va pour les descriptifs. Parce que je pense qu'on a. On a parlé. Oui, on a fait le tour. Et bah, go ! Drôle de vie. Pour Willy Brouillard, le flicard. Très bien, donc c'est moi qui vais vous faire la lecture aujourd'hui. Nous avons choisi comme extrait la première nuit, juste avant que les créatures attaquent le magasin. Il y a d'abord des insectes qui se posent sur les vitres au dehors, et c'est ça qui va finir par provoquer l'attaque des gros oiseaux qui viennent les manger. Je vous lis l'édition France Loisirs. Nous sommes à la page 108 et la traduction est soit de Michel Pressé, soit de Serge Quadrupani, parce qu'il y a eu deux traducteurs et j'ai pas la précision de qui a fait quoi. Parce que le premier, il avait pas le temps. Voilà, c'est ça. Pardon. Michel, elle a fait les deux premières lignes et puis après, elle avait rendez-vous. Je vais me resservir du savane. Il n'était pas loin de 20h30, au dehors, la brume couleur perle s'était assombrie, prenant la lourde teinte ardoise d'un crépuscule de novembre. Quelque chose avait atterri sur la vitre de l'autre côté de l'une des meurtrières. « Oh mon Dieu !» cria l'homme de garde. « Laissez-moi partir, je veux pas voir ça !» Il se mit à courir de tous côtés, décrivant des cercles approximatifs, un léger filet de salive au coin de sa bouche luisant dans la pénombre qui s'épaississait. Puis il s'enfuit tout droit au fond de la plus lointaine travée, au-delà des bacs à surgeler. Il y eut des cris en réponse. Certaines personnes se précipitèrent vers l'avant pour voir ce qui se passait. Beaucoup d'autres battirent en retraite vers le fond, se moquant de savoir, ne voulant pas voir ce qui rampait sur la vitre là au dehors. Je me mis en mouvement pour rejoindre la meurtrière, au lit à mon côté. Dans sa poche, sa main étreignait le revolver de Madame Dumfries. Un des autres guetteurs poussa un cri, non pas tant de peur que de dégoût. Oli et moi passâmes l'une des caisses. Maintenant je voyais ce qui avait fait fuir le type. Je n'aurais su dire ce que c'était, mais je le voyais. Ça ressemblait à une de ces créatures de second plan des tableaux de Bosch, de ces fresques infernales. Ça avait aussi quelque chose d'horriblement comique, parce que ça ressemblait également un peu à une des étranges créatures de vinyle ou de plastique qu'on peut acheter pour 1,89$ pour surprendre ses amis. En fait, exactement le genre d'objet que Norton m'avait accusé d'avoir placé dans la réserve. Ça avait peut-être 50 cm de long, c'était segmenté et de la couleur rose vif de la chair brûlée qui a commencé à guérir. À l'extrémité de courts pédoncules souples, les yeux bulbeux fixés deux directions différentes. De grasses ventouses lui permettaient d'adhérer à la vitre. À l'autre extrémité du corps, on distinguait un appendice, organe sexuel ou dard. Et sur son dos se dressaient des ailes membraneuses démesurées, semblables à d'énormes ailes de mouche. Elles bougeaient très lentement pendant qu'Oli et moi approchions de la vitre. À la meurtrière située à notre gauche, celle de l'homme qui avait poussé une exclamation de dégoût, trois de ces choses rampaient sur la baie. Elles se déplaçaient paresseusement, laissant derrière elles une traînée poisseuse d'escargots. Leurs yeux, s'il s'agissait bien d'yeux, bougeaient par saccades au bout de leurs pédoncules gros comme le doigt. La plus grosse de ces choses avait peut-être 1,50 m de long. Parfois, elles se rampaient carrément l'une sur l'autre. Regarde-moi ces saloperies, dit Tom Smollett d'une voix écœurée. Il gardait la meurtrière à notre droite. Je ne répondis pas. Les insectes bouchaient toutes les meurtrières à présent, ce qui signifiait qu'ils grouillaient probablement sur la totalité du bâtiment, comme des vers sur un morceau de viande. Ce n'était pas une image plaisante et je pouvais sentir que le peu de poulet que j'avais réussi à ingurgiter voulait me remonter aux lèvres. Quelqu'un sanglotait. Madame Carmody hurlait des phrases à propos d'abominations surgies de la terre. Quelqu'un lui dit d'un ton bourru qu'elle avait intérêt à la fermer. Toujours les mêmes conneries. Holly tira de sa poche le revolver de Madame Dunfries et je lui saisis le bras. « Fais pas l'idiot. » Il se libéra. « Je sais ce que je fais. » Il tapa du canon de l'arme contre la vitre, le visage figé dans une expression de répugnance. Les ailes des créatures battirent de plus en plus vite jusqu'à n'être qu'un brouillard. Si on avait su qu'il s'agissait de créatures ailées, à présent on aurait pu en douter. Puis elles s'envolèrent sans autre forme de procès. Quelques-uns de nos compagnons virent ce qu'Oli avait fait et reprirent son idée. Ils tapèrent sur les vitres avec les manches à balai. Les choses s'envolèrent, mais revinrent. Apparemment, elles n'avaient pas plus de cervelle qu'une mouche moyenne. Le début de panique se résorba en bavardage. J'entendis quelqu'un demander à quelqu'un d'autre ce qu'il pensait que ces choses faisaient quand elles atterrissaient sur vous. C'était une question dont je n'étais pas pressé de connaître la réponse. Les coups sur les vitres cessèrent peu à peu. Holly se tourna vers moi pour me parler, mais il avait à peine ouvert la bouche que quelque chose surgit de la brume et arracha à la vitre une des créatures rampantes. Je crois que j'ai crié, je n'en suis pas sûr. C'était une chose volante. À part ça, je n'étais sûr de rien. La brume parut s'assombrir exactement comme Holly l'avait décrit, sauf que la tache de suie ne s'effaça pas. Elle s'incarna sous la forme d'ailes claquantes et luisantes comme du cuir, d'un corps blanc albinos et d'yeux rouges. La chose heurta la vitre avec un bruit sourd, assez fort pour la faire vibrer. Son bec s'ouvrit, la créature ramassa la chose rose et disparut. Tout l'épisode ne dura pas plus de 5 secondes. La dernière chose que je vis brièvement fut la chose rose gigotant et battant des ailes pendant qu'elle était emportée, comme un petit poisson qui se débat dans le bec d'une mouette. Voilà, et maintenant, la même scène dans l'adaptation. Ah ! Ah ! Oh mon Dieu ! Billy, viens là ! Viens ici, t'es au fond du bac. Allez-y. Regardez. Sortir des sauterelles qui va envahir la terre et le pouvoir leur fut donné. Tout comme les scorpions de la terre ont le pouvoir. Regardez ces insectes. Tout Seigneur. Très bien, donc je te laisse expliquer pourquoi on a choisi cette scène. On a choisi cette scène parce que visuellement, dans l'adaptation, elle rend vraiment bien. C'est-à-dire qu'on est à un moment où le calme redescend un peu, puisque c'est un moment qui intervient juste après la scène de la corde, donc déjà de l'attaque des tentacules, puis de la corde. Et il y a une certaine poésie slash macabre dégueulasse dans cette scène. C'est-à-dire que tout le monde est un petit peu fasciné par ces insectes qui se posent. Et nombreux sont les personnages qui prennent des lampes torches pour éclairer et voir s'il y en a d'autres autour. Ouais, dans le film, pour le coup. Dans le film, voilà. Et du coup, ça rend une imagerie très jolie parce qu'on voit ces faisceaux de lumière qui transpercent la brume. Ça rend d'autant mieux dans la version noir et blanc, parce qu'on essaie de survoler la scène juste avant l'enregistrement de la séquence, là. Vraiment, visuellement, il y a un vrai travail qui est fait, que ce soit bah, du coup au niveau numérique pour l'aspect des créatures, niveau photographie pour tout ce qui est lumière et tout. Les acteurs se débrouillent pas trop mal en plus dans la scène. Oui, là on sent bien bah, leur fascination dégoûtée, ils trouvent ça horrible, mais ils n'arrivent pas à s'éloigner. Voilà, il y a une vraie montée de tension qui arrive jusqu'au moment où le premier ptérodactyle arrive pour choper l'insecte et là commence à ébrécher la vitre, quoi. Donc la scène dans le film rend plutôt bien. Là où dans le roman, bon, elle est un peu... malheureusement, elle est un peu plate. En fait, ça manque, comme beaucoup dans La Nouvelle Brume, en fait, ça manque beaucoup de choses. Ça manque de descriptif pour vraiment comprendre ce qui se passe, pour vraiment comprendre l'aspect des créatures. Mais tout ça, je pense que c'est volontaire, en fait. Ouais, à la limite, l'aspect des créatures, ça passe. Tu peux te dire, elles sont vues à travers une vitre, c'est de nuit, il y a la brume. C'est plus les réactions où je trouve que la fascination a du mal à prendre dans La Nouvelle. Ouais. Elles sont balèzes dans La Nouvelle. Ouais. Parce qu'on nous décrit des créatures de 1m50. Elles sont balèzes, hein. C'est grand, 1m50. Oui. Bah oui, quand même. C'est la taille d'un enfant, quand même, 1m50. Enfin, oui, c'est la taille d'un adulte aussi, d'un petit adulte. Ouais. Ouais, 1m50, c'est énorme. Ouais, c'est un pré-ado, 12-13 ans, peut-être, en moyenne. Est-ce que ça serait pas une erreur de traduction? Parce que c'est énorme, 1m50. Bah, je pense pas, non. Enfin, bah, je sais pas. J'ai pas la VO sous la main, donc je peux pas te dire, mais... Parce que moi, je vois un truc d'1m50 arriver sur ma vitre, je me dis pas, c'est un insecte. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole énorme? Bah, après, ils ont déjà eu des tentacules, des trucs comme ça avant, donc peut-être qu'ils commencent à relativiser. C'est vrai. Mais en tout cas, c'est balèze. Ouais. Parce que dans le film, elles font quoi? 30 cm, tout au plus? Ouais, quelque chose comme ça, peut-être un tout petit peu plus, quand même. Mais donc, voilà... C'est une scène sympathique dans la nouvelle, qui pour le coup est vraiment beaucoup mieux dans le film, quoi. Dans le film, bah, elle rend mieux visuellement, ouais. Parce que voilà, t'as l'aspect visuel, du coup, comme j'ai dit, avec les faisceaux de lumière, la brume, ça fonctionne très bien. Je me demande sur une scène comme ça si c'est de la vraie brume. Peut-être que vu que c'est des gros plans, ils peuvent utiliser de la vraie brume avec une machine à fumer. Parce que sinon, les faisceaux de lumière dans la brume, ça doit être horrible à gérer en effets spéciaux. À l'époque, ça devait être dur. Ah, je sais pas. Donc c'est peut-être de la vraie brume à ces moments-là. Peut-être des vrais insectes aussi. Ça, j'ai plus de doutes, mais... Écoute. Mais voilà, oui, c'est une des scènes qui, effectivement, dans l'adaptation, est un moment qui se pose, qui est un peu hors du temps et qui fonctionne, en fait. Bah oui, en fait, comme ouais. J'ai dit, c'est vraiment une vraie poésie. Mm. Alors après, on retourne, bien entendu, à l'aspect un peu macabre, horrifique. Mais bon, sur le moment, ça fonctionne bien. Et puis, on est déjà dans une forme de macabre, vu qu'on voit quand même que les bêtes sont horribles, dès le départ. Design, et puis, dans le film, Carmody, là, qui est fasciné par leur dard, surtout. Ouais. Parce que c'est un message, je ne sais pas. Une lecture freudienne du truc, peut-être. Mais vu ce que ça fait à la jeune fille, pas envie de goûter leur dard. Non, effectivement. Et donc, elle a une réaction... Qui était le nom du parti politique de Patrick Sébastien. De quoi, goûter le dard. Non, le dard. D'accord. Créer un parti politique qui s'appelle Goûte mon dard, ça pourrait être rigolo. Oui, enfin, je sais pas qui en met à la tête, Darmanin. Non, il ça... Darmanin. Oh. Oh non. Goûte mon Darmanin. Non, non. Mérite d'aller en prison, c'est tout ce qu'il mérite. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au classement? Ah bah, je pense qu'on va passer au classement. Ouais. Comme à notre habitude, nous passons au classement. Je m'occupe de celui des livres, mon camarade Issam va s'occuper de celui des films. Les 5 premiers du classement pour les livres et nouvelles sont Cimetière, Ça, Charlie, La Part des Ténèbres et Dead Zone, tandis que les 5 derniers sont Le Dentier Claqueur, La Pastorale, L'Année du Loup-Garou, Docteur Sleep et Grand Chauffeur. Alors, Brume, Brume. Alors, comme on l'a dit, Brume, bah, c'est pas extraordinaire. C'est, pour moi, du... C'est pas du milieu de classement, c'est du un peu en dessous de milieu de classement. Ce qui ne veut absolument rien dire. Ouais, je te laisse dire un peu où tu le mettrais. Alors, attends. C'est compliqué, quand même. J'ai préféré, pour te dire, un peu dans la région, bah moi, j'ai passé un meilleur moment sur Le Rapace Nocturne. D'accord. Donc 26e. Ouais. Est-ce que tu le voyais plus haut déjà ? Non. D'accord, on est d'accord. En fait, pour moi, c'est soit au-dessus, soit en dessous de Bon Ménage. Oui, donc ça serait soit 28e, soit 29e place. Ouais, parce qu'après, les autres manquent clairement de plein de trucs que Brume possède quand même, malgré ses longueurs et ses défauts. Et tandis que moi, les longueurs et les défauts m'auraient fait mettre Brume à la 32e place, en fait, en dessous de Poids Lourd. D'accord, entre Poids Lourd et Dentier Claqueur. Ouais. Après, oui, Mauvaise Herbe a quand même de la comédie qui me déplaît pas. Écoute, fondamentalement, ça me va. Ouais, à la limite, on peut faire un compromis, peut-être après Mauvaise Herbe. Entre Mauvaise Herbe et Les Enfants du Maïs. Mais le même entre Les Enfants du Maïs et Poids Lourd. D'accord. Donc Brume prend la 31e place entre Les Enfants du Maïs et Poids Lourd. Parce qu'au moins Les Enfants du Maïs va amener des films rigolos. Très bien, nous allons maintenant passer au classement du film. Donc là, nous avons 45 films pour le moment, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Christine de John Carpenter. Et aux 5 dernières, Le Fléau de Mickey Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, Les Enfants de Salem de Larry Cohen, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, et Doctor Sleep de Mike Flanagan. Et donc là, tu me fais peur. Ouais, je regarde un peu. Je vais te dire directement à peu près où est-ce que moi je l'aurais placé. Ouais. Et après tu verras, enfin tu me diras toi, voilà, où est-ce que tu l'aurais mis. Mais je regarde un peu. Pour moi, je l'aurais mis à la 26e. Non, à la 26e place, c'est-à-dire après le cobaye. Après le cobaye. Après le cobaye, ouais. Attends, qu'est-ce qu'on a au-dessus ? Je regarde, qu'est-ce qu'on a au-dessus ? C'est vraiment, en fait, je. C'est vraiment malgré milieu, les qualités. Pardon ? C'est vraiment du milieu-milieu pour toi. C'est du milieu bas, c'est-à-dire avant de passer au truc où vraiment. Que vraiment j'aime pas beaucoup, quoi. Oh, mais non, mais c'est quand même mieux que Celle. Arrête un peu. Bah, je me suis plus amusé devant Celle, hein. Même si c'est moins bien réalisé, moins bien à peu près tout. Au moins, Celle, je trouve pas les personnages insupportables. À partir de cet épisode-là, on va créer deux classements, le tien. Non, mais il va falloir trouver un compromis. Dis-moi déjà, toi, où tu l'aurais mis de base. Déjà, clairement, au-dessus de Celle, ça c'est. Ça, c'est ouais. Net. Pour moi, déjà, la limite haute, tu vois, genre le point où il pouvait pas aller au-dessus, ça serait la peau sur les os. Déjà, il peut pas aller au-dessus. Donc, pas au-dessus de la 19e place, c'est voilà, ça ouais. Il peut pas. Moi, j'ai quand même du mal à le mettre en dessous de Celle, quoi. C'était tellement mauvais. Pour l'instant, pour resituer, donc Chris est plutôt sur la 19e, sur la 20e place, puisque c'est en dessous de La Peau sur les Os, ouais. Tandis que moi, a priori, je serais plus adepte de la 26e place, donc entre Le Cobaye et Couple Modèle. Après, on peut peut-être couper la poire en deux. Entre Rimbauer et Omnay. Ouais. Moi, pour moi, dans mon cœur, c'est entre le 20 et le 19. Mais vas-y, ça me va. Ouais. Ouais, 22, donc 23e place entre Rimbauer et Omné. Ouais. Ok. Ah mais Cell, c'est dur quand même. Bah, Cell, c'est pas un bon film, c'est pas un film bien fait, mais ouais, je passe un pas mauvais moment devant, il y a des personnages sympathiques. Alors oui, c'est filmé avec le cul, globalement, enfin, et encore, c'est pas ce qu'on a vu de pire. Non, oui, non, c'est pas ce qu'on a vu de pire. Mais pour moi, tu vois, je suis plus diverti devant Cell que devant Myst, qui est pourtant, et là, je te l'accorde tout à fait, c'est beaucoup mieux réussi techniquement. Oui. Ah non, pour moi, Cell, c'était... Il est même placé très haut, en fait. Ah, wow. Ah quoi que, en fait, ce qu'il y a en dessous, ouais. C'est bon. Vu ce qu'il y a en dessous... Oui, voilà. Je pense qu'on va pouvoir passer au tirage au sort pour la prochaine fois. Ah, le moment qu'on attend tous. Est-ce que c'est pas le moment que tout le monde attend avec grande impatience tous les 15 jours? Non, tous les 30 jours. Hop, il va falloir que tu rajoutes plein de papier parce qu'il commence à se vider ce chapeau. Bah, il faut de nouvelles adaptations, il y a bientôt Charlie qui arrive, le nouveau Charlie. J'irai peut-être le voir au cinéma celui-là. Non, c'est bon, je crois que j'en avais fait tomber un. Tirage au sort, le suspense est à son comble. Le suspense est à son comble, j'ai un petit papier dans les mains. Ouais. J'en ai pas fait tomber. Ah, j'ai mis un pet dans le meuble. Ah, il faut que j'annonce avant que tu tires, c'est ça? Ouais, vas-y. J'ai tiré. Oh là. J'ai tiré. Non, mais rien que le nom du réalisateur, quoi. J'ai tiré Les démons du maïs 7 de Guy Magard. Ouais, effectivement. Ouais, ce sera peut-être bien. Je pense que tu ne peux pas tirer pire. Peut-être Les démons du maïs 8. Et moi, j'ai tiré. Alors, c'est pas pire. Ah, je pense pas, en tout mais cas. Mais c'est pas mieux. Bah, c'est Maximum Overdrive. Ah oui, enfin. Donc, Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King lui-même, adapté de sa nouvelle poids lourd. Voilà. Oh putain, ça va être deux épisodes extraordinaires. Ouais. Alors, ça va être deux épisodes, du coup, on n'a rien à lire. Effectivement, que les démons du maïs, c'est déjà fait. Oui, les deux, c'est déjà fait. Au final, poids lourd, on l'a déjà fait en traitant de trucks, les camions de l'enfer. Alors, à mon avis, du coup, ça va être un épisode court, démons du maïs 7. Oui. Par contre, Maximum Overdrive, il y aura peut-être des trucs à dire. Oui, je pense. Maximum Overdrive, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont sorties dessus. Démons du maïs 7, à moins que ce soit par surprise un truc extraordinaire. T'as pas noté l'année de sortie Non, effectivement, peut-être pas sur... Je crois que je les note quasiment jamais, pour le coup, les années de sortie. Donc bon, on verra. Ben voilà, on est contents. Voilà, ça va être deux épisodes intéressants. J'irai peut-être pas jusqu'à dire intéressant, mais bon. Voilà, c'est... Les démons humains, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, donc il était peut-être temps. Hein. Donc, on se retrouve dans deux semaines pour les démons du Maïs 7 de Guy comment, déjà? Guy Magard. De Guy Magard, voilà. Qui a probablement réalisé Les démons du Maïs 7 et Les démons du Maïs 7. Et sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste pour toi, @augrédibulle pour moi. C'est cela. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, on mettra le lien dans la description. N'hésitez pas à passer voir Chris sur sa chaîne Twitch Gamers... Non, ça a changé. The Lost Tales, maintenant, voilà, c'est ça. Parce que, n'étant plus tout seul, il faut faire une chaîne communautaire. Parce que maintenant, il y a Monsieur Florian Gensuga. Ouais, et puis on verra si on fait un podcast enregistrement live, a priori... Ah, si on parle de cinéma en live, oui. Ouais. Prendra la même chaîne. Ah oui, ça sera pareil. Ouais. Ce serait bien qu'on va peut-être penser à ça pour septembre. Ce serait bien. Ouais, peut-être pendant les vacances avant pour faire un pilote. Pour se mettre en jambe. Ouais. Donc à voir. Et voilà, donc à dans deux semaines. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert, malheureusement, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.